Bon, j'espère que ça va aller. Ok guys, bonjour, bonsoir, belle soirée, vraiment soirée. J'ai voulu faire ce live, parler un peu avec vous, my people. Mais vraiment, je sais pas comment je vais dire. Je sais pas comment parler des personnes dont leurs noms ne sont pas de la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? D'abord, je m'excuse pour ce retard, parce que j'avais dit à des personnes que je voulais faire ce live, YouTube, TikTok, même Facebook, mais je n'ai pas branché autre appareil pour Facebook, je n'ai pas branché. Parce que je suis tellement fatigué, sorry, vraiment vers les soirées. Parce que je travaille aussi, comme je dis, je travaille. YouTube, là, l'image n'est pas bonne. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais je ne sais pas. Comment je ne sais pas, ce n'est pas bon. So, we go with it like that. On va faire avec ça comme ça. Là, il est chez moi maintenant. Minuit 57. Donc, à 2 secondes ou 2 minutes, 3 minutes, 1 heure du matin. Je vais ne pas rester longtemps. J'avais prévu que je vais parler un peu de my father, mon père. Et parler de mon père, je vois plus. C'est quelque chose comme ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est plutôt with my people. Avec my people. This bagaille. Ces choses concernent que moi. My blood, mon sang, et ça peut intéresser que ceux qui viennent de my fatherland. Et ce sont des histoires qui datent d'il y a tellement longtemps, de 60 ans passés, 50 ans passés. Mais comme j'aime trop l'évangile, je pense qu'on va parler de Dieu aussi, bien sûr. On va voir. Mais je vais quand même essayer de parler un peu. Mais pour si quelqu'un veut soit poser une question, je ne sais pas comment ça fonctionne. Cause à nous les people, je ne peux pas laisser quelqu'un monter dans ses lives ou dans mes lives, mon live, si je peux dire. Juste appareil ici. Mon WhatsApp ou mes WhatsApp sont ici. J'ai des numéros que j'utilise pour WhatsApp. Si quelqu'un veut poser cette question, si vous avez mon numéro, vous pouvez appeler. Je baisse juste la musique ici et puis je réponds directement Et s'il y a des gens qui nous suivent, ils nous suivent. Ils nous écoutent, ils nous écoutent. I don't care. Donc, je peux que parler de ce que je connais. Des histoires comment parler lorsque j'étais bébé ou lorsque j'étais jeune. Parce que ce sont des histoires qui datent donc des années, je n'étais pas encore né. Moi, j'ai presque 55 ans. 55 ans. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'aujourd'hui, quoi. Donc, à même old, même, hein? Je suis un vieux papa. Donc, comme on dit chez nous, coucou Kobanzanga na photote. Coucou Kobanzanga na photote. Pour dire que tous mes photos, ce sont des vieilles photos de 10 ans passés, vous voyez. Maintenant, j'ai vieilli. J'ai des cocos. On dit des petits-enfants. Je suis vieux papa. Et j'ai voulu parler de mon père. Pourquoi? Parce que, soit TikTok, ça commence à balayer. Balayer pour faire quoi? Ça montre un doigt balayé. Soit je vais fermer ça, je reste avec YouTube. Je ne sais pas. Je ne vais pas commencer à m'avancer parce que j'ai mis l'appareil un peu loin là. Et ici, il y a l'appareil pour YouTube. Je voulais même mettre ça aussi pour Facebook, mais bon, je dis ça va, je laisse ça comme ça parce que il est déjà tard. So, je suis là. J'écoute la musique et je regarde. Mais ce que je peux déjà dire sur le monsieur Bavo Marie-Marie, j'avais déjà fait, parce que j'ai souvent regardé des choses sur lui, ou écouté, entendu, vu des vidéos, comme les gens aiment toujours parler des histoires des autres, la vie des autres, des gens qui ne connaissent pas. Et j'avais décidé, je pense, c'était 2022, de faire quelques vidéos. J'avais mis sur mon YouTube. Et je pense dans ces vidéos-là, il y a 4 vidéos même, dans ces vidéos-là, j'avais bien expliqué. Pourquoi j'avais bien expliqué? Parce que je ne suis pas habitué à me faire voir comme ça devant les gens pour parler des choses. Je ne suis pas habitué, vous comprenez? Comme quelqu'un de timide, peut-être oui. On est grandis tous comme ça. Je sais pas. Bref, qu'est-ce que j'avais fait en 2022 là? J'avais préparé des choses que je connaissais. J'avais bien noté ça. Et j'avais juste mis des photos et j'ai parlé derrière les photos là. Vous voyez comme les gens font quoi. Donc, et là, j'avais bien parlé des chenets, maudit. Donc, j'avais fait, je pense, 4 vidéos début 2022 où j'avais expliqué des choses sur Bavo Marie-Marie. Qui sont sur YouTube, et le YouTube est à mon nom. Et mon nom, c'est son nom aussi, parce que je porte son nom. Donc, je ne suis pas dans les faux, comme on dit, I'm not using fake name. Donc, mon nom, c'est ça qui est sur mon passeport, c'est ça que j'utilise même ici. Et ça aussi, le nom que le chef de l'État me connaissent avec. Donc, c'est le nom aussi par lequel que je fais toutes mes affaires. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, je ne fais rien de faux, parce qu'en même temps, je n'ai pas le temps pour faire tout ce qui est faux, quoi. On faisait des faux lorsqu'on était des enfants. Il y a 30, 40 ans passé, on va dire. Là, on faisait peu de faux, oui, mais maintenant, bon, il n'y a pas le temps pour ça, quoi. Ok, les amis, je suis là. Comme je dis, si quelqu'un a mon numéro, il y a WhatsApp ici, je peux répondre parce que WhatsApp c'est free, je pense. Pour ceux qui ont WhatsApp, ils peuvent envoyer un message ou même faire appel. Je réponds parce que c'est dans cet appareil que je peux parler avec WhatsApp. Bon, moi j'ai expliqué que avec TikTok, si vous donnez le numéro, ils peuvent bloquer. Je ne sais pas, YouTube, je ne sais pas. Comme je ne suis pas habitué avec ces histoires-là de faire des lives, machin, je ne fais pas ça. Et je sais aussi que, attends, invité, il y en a qui passent là, invité, je ne sais pas quoi là, à rejoindre le live, tant que je ne suis pas invité, tout ça. Je peux inviter, je ne sais pas quoi, non. Je peux peut-être inviter quelqu'un que j'ai vu hier, qu'on a grandi ensemble, je sais Bongwa, mais je ne sais pas s'il est là. Prez Sorozawana. Parce que lui, on a grandi ensemble, il connaissait ma vie, il connaît toute ma famille, même un peu mieux que moi. C'est un grand frère, quoi. Donc, bon, si je t'invite là, comme je vois les noms qui passent à inviter, machin, j'invite pour qu'on parle de quoi? De Jésus. Peut-être que Jésus que toi tu pries, ce n'est pas le même Jésus que moi. Ce sont des choses aussi que non, je ne comprends pas les gens lorsque vous montez dans les lives, vous parlez tous de Dieu. Peut-être que vous ne priez pas le même Dieu. Et tous les dieux portent le nom de Jésus. Ça, je vous l'ai dit déjà, tous les dieux portent le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit. Voilà, encore une évangile, pardon. C'est l'esprit. Et l'esprit, même la Bible dit, même l'ennemi se déguise. Vous voyez, ils se déguisent tous. Ils se font tous appeler Jésus. Jésus. Mais c'est le comportement. C'est ton comportement qui démontre c'est quel Jésus que tu pries, c'est quel Jésus que tu travailles avec. Ton comportement, ta façon de vivre, ta manière de faire les choses, comment tu fonctionnes. Les amis, Nazali Awa, je pense que Lingala aussi malade pour nous parce que c'est moi, c'est pour les Congolais que j'ai fait ça, pour Nabavo Marie-Marie. C'est un peu ça quoi. Donc c'est un nom que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est un ancien musicien congolais des années 60. Et je suis son fils. Et j'avais mis un commentaire. C'est quelqu'un qui avait mis une chanson qui les concernait il y a quelques jours sur TikTok. Les gens parlaient de sa mort. Et j'avais dit que non, si le type, Bavo Marie-Marie, était mort, c'était pour moi qu'il était mort. Et il y a quelqu'un qui avait voulu savoir pourquoi ou comment il était mort pour moi. J'avais dit que non, j'avais déjà tout expliqué ça sur YouTube. Mais je peux quand même faire live aujourd'hui, un live. Vous savez, un live, je fais un live aujourd'hui, un live, oui. Pour essayer un peu d'expliquer. That's why. C'est pour ça que j'ai fait ça, ce live-là. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai fait ça. Pour essayer un peu d'expliquer un peu de ce que moi je sais ou des choses que j'avais déjà expliquées, comme je dis, en 2022. J'avais parlé de sa naissance dans ces quatre vidéos-là. J'avais parlé de sa naissance, de sa vie, sa petite vie, sa courte vie. J'avais parlé aussi de ses enfants et de ses droits en tant qu'artiste. J'avais clôturé aussi en parlant d'une femme. Une femme qu'on connaissait beaucoup d'entre nous à Kinshasa là-bas, qui se faisait passer pour la dame qui avait fait l'accident avec elle. Comment l'accident? Parce que lorsque l'artiste musicien, Bavo Marie-Marie, avait fait l'accident qui avait causé sa mort, il était avec une dame, on peut dire sa copine, la voiture. Et lui, il était mort, mais la femme n'était pas morte. Vous comprenez? Et du coup, après, 10 ans après, si on peut dire, une dame maintenant vivait à Kinshasa là-bas avec une chaise roulante, une dame infirme bien sûr, une belle dame, se faisait passer pour la personne qui était dans cette voiture-là lors de l'accident, tandis que c'était faux. Et nous aussi, la famille, on ne pouvait rien dire pour laisser cette dame-là manger l'argent parce qu'elle demandait de l'argent, elle allait de gauche à droite parce que c'était une belle dame. Et ma mère qui était dans la voiture lors de l'accident, elle vivait carrosse. Elle avait bien repris sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est comme si quelqu'un qui se fait passer pour toi pour demander de l'argent de gauche à droite et tu laisses comme ça parce que c'est sa moyen de vivre. Et on a vécu comme ça. Et cette dame-là se faisait passer pour la personne qui était dans la voiture lors de l'accident. Et elle recevait de l'argent de gauche à droite. Et nous, on s'en disait rien du tout. On s'en foutait, quoi. Donc, c'est comme ça. Bref, donc, c'est juste ça que j'ai voulu vraiment expliquer un peu en détail. Bon, si ça ne dérange pas ou si ça c'est pas important. Toutes les vidéos sont sur YouTube à mon nom. Mon nom c'est Aimé Siongo Bavon. Vous allez sur YouTube, vous avez YouTube, tapez email, espace, S, point, espace, Bavon officiel. Comme ici, quoi. C'est comme ici. Et puis, vous avez toutes les vidéos, mais il y a plein de vidéos de mes délires lorsque je voyage avec mon dernier fils, Mwanatsu Kanangai. J'aime beaucoup faire des petites vidéos comme tout le monde, avec des caméras aujourd'hui, avec des téléphones aujourd'hui. Mais à part ça, de temps en temps aussi, comme j'aime bien la parole de Dieu, j'ai fait aussi des fois des exhortations, comme je mets sur TikTok maintenant. Et j'ai fait ça beaucoup sur YouTube aussi. Et c'est là aussi que vous allez trouver des vidéos que j'ai fait où j'ai parlé des bavons. Et il y a des photos, comme on dit, des miniatures, quoi, des photos de plusieurs filles que j'aime bien mettre, des filles que je connaissais, ou je connais, si on peut dire. Parce que j'ai parlé beaucoup, beaucoup avec, à ce temps-là, quoi, 2022, si je peux dire. 2022, j'ai parlé avec plusieurs filles dans le monde qui m'ont permis de mettre leurs photos comme ça. Et donc, moi, ça ne me dérange pas. C'est juste pour attirer les gens qui peuvent regarder les vidéos, parce qu'il n'y a pas mon image à l'intérieur. Juste les sons de ma voix. Les sons de ma voix. Maintenant, je suis là, les amis. Je suis debout depuis 4h du matin. Je n'ai pas encore dormi. Je suis réveillé à 4h du matin parce que je travaille ici à Bruxelles. Je vis à Bruxelles. Et déjà, si on peut revenir vers jeudi, j'avais travaillé aussi. J'arrive à la maison, manger, je vis seul déjà. Fatigué, dormir un peu la nuit. Vendredi, 4h du matin debout, 5h dehors. Pour aller faire ce qu'on fait, pour gagner un peu quelque chose. Ne pas dépendre de l'argent gratuit. J'ai fini à midi, comme c'est le week-end, j'avais fini à midi. Et depuis midi, je suis ici chez moi. Tourner de gauche à droite, comme souvent le cas. Lorsqu'on est seul, quoi. Tourner de gauche à droite, tu vois là, tu fais là, nan, nan, tout ça, tu manges, tu retournes, tout ça. Je me disais que non, si je monte au lit, je dors. Souvent, nous, les gens, qu'on travaille beaucoup, lorsque je monte pour dormir, je sais que demain, je ne travaille pas. Les gars, je peux rester au lit, à la chambre, même, jusqu'à demain. Je viens seulement au salon, dans mon petit coin cuisine, prendre de quoi manger, boire, je retourne au lit, j'ai ma télé à la chambre, je rigole. Tu vois, c'est comme ça. Et après, je me suis dit, non, si je fais ça, c'est là, j'avais promis aux gens de le faire, je ne vais pas le faire. Donc, alors, j'ai fait quoi? Donc, je reste seulement au salon, tourner de gauche à droite. Et comme il y a toujours des épreuves, comme on dit, des problèmes. Et au salon maintenant, la télévision, ça fonctionne bien. Mais si je mets YouTube, ça tourne comme si, vous voyez, le système là qui tourne comme si, il n'y a pas l'Internet, ça ne fonctionne pas bien. Je ne sais pas pourquoi. Mais dans tous les appareils, dans la maison, tout c'est OK. Seulement, ces grandes télévisions devant moi là, si je mets des chaînes normales, c'est OK. Si je mets Netflix, ok. Si je mets YouTube, que j'aime bien regarder des musiques sacrées. Que j'aime bien regarder des musiques sacrées. Ça ne fonctionne pas. Ça tourne comme s'il n'y a pas Internet. Et c'est là que non. C'est la vie. Donc, je dis ça va, je reste là jusqu'à... Après, je suis sorti un peu dehors. D'abord, j'ai regardé... Il y a un compatriote sur TikTok qui avait mis live... Le chef de l'État, notre président, mon grand frère, chef de l'État, Fatih Béton, qui était ici à Bruxelles, qui est encore à Bruxelles, je pense. Et j'ai suivi ce qu'ils ont fait, ces discours là-bas. Ce partage avec d'autres frères et sœurs qui étaient présents. Tout s'est bien passé, malgré qu'il y avait trop de bruit. Et c'est là ça que j'ai regardé aujourd'hui. Ça m'a fait du bien aussi. On est ensemble, moi et tous les Congolais qui soutiennent les chefs de l'État. pour faire avancer le pays et ceux qui l'aident aussi à corriger les erreurs. Ceux qui critiquent pour corriger et non ceux qui viennent avec des insultes comme des cons, des insultes juste pour se faire plaisir comme des enfants. Ça, nous, on n'aime pas. Vous comprenez? Surtout moi, je n'aime pas des gens comme ça. Si vous insultez quelqu'un que vous ne connaissez pas, même si ce sont des politiciens, s'il faut des erreurs, il faut les aider, corriger. Si tu peux le faire, vas-y, va là-bas. Nous, on a beaucoup d'amis qui étaient ici avec nous, qui sont partis là-bas. Il y en a ceux qui travaillent, il y en a ceux qui ne travaillent pas non plus. Mais tu dois être là et ne pas critiquer. Et j'en profite aussi pour dire ça à vous, mes frères et sœurs. Lorsque vous parlez des choses du pays, vous devez faire comme nous, utiliser vos identités. Vous comprenez, les amis? Les noms que moi j'utilise, c'est ça qui est sur mon passeport. Je peux sortir mon passeport qui est dans le sac ici derrière. C'est mon nom, Emission Obavon. Donc, je ne peux pas venir commencer à dire des bêtises. Et après, si on m'appelle devant les juges, je dis non. Là, t'es un con. Je dis ça à n'importe qui, peu importe. Et tout est, tout est. Quand tu parles de la politique, ou tu parles du pays, tu dois mettre ton identité. Il faut assumer les choses que tu dis. Donc, défendre le pays, fais ça normalement. Corriger ce qu'il faut corriger. Condamner ce qu'il faut condamner, mais sois toi. Don't be fake, ne sois pas faux. Ne sois pas derrière un faux nom. Oh non, moi je m'appelle. Attends, vous utilisez quel genre de sort? Je vais juste imaginer comme ça. Moi je suis. Étoile rouge. Moi je suis. Bataillon. Mais t'es malade, t'as des enfants. Bien sûr, nous avons des familles qui meurent tous les jours. Ce n'est pas bon. Et c'est à ceux qui nous dirigent, à commencer par lui-même, le chef de l'État, de faire changer les choses. Mais ils vont pas non plus aussi aller comme des cons. Non, ils font ce qu'il faut faire. Je ne suis pas dans la politique. Et je n'aime pas parler de la politique parce que je ne suis pas dedans. Si je veux commencer à parler de politique, je veux aller sur place et rentrer dedans et le faire. Ne pas rester dehors, utiliser un fake name, un faux nom, pour commencer à insulter comme un enfant de 10 ans. Et après, tu vas te dire que non, ça va, j'ai fait ça pour mon pays, j'ai combat pour mon pays. Papa. Nous, on a tous marché ici, à Bruxelles, ici, depuis 2004. Je dis depuis 2004. Beaucoup de gens, même beaucoup qui sont là-bas au pays, je peux même citer les noms. Je peux même citer les noms des personnes qui ont marché avec nous ici. Même ceux qui sont morts, il y en a beaucoup. Depuis 2004, on marche ici. Des gens qui ont marché avec leur propre nom. À commencer par lui-même, les chefs de l'État. Ils n'ont pas utilisé des fake names ou des faux noms. Non. Les amis, nous aimons tous le pays. Utilisez vos noms et défendez bien le pays. Dire des choses comme il faut. Tout ça. Mais par après, je pense qu'il y a même un mois maintenant que j'ai commencé à mieux comprendre. Votre TikTok là, YouTube saurait vraiment, YouTube saurait. Les amis, God bless you, je parle comme ça. YouTube, je connais ça depuis 2006. Je connais YouTube depuis 2006. Mais TikTok là, c'est moi, je pense, 2 ans maintenant, même pas 2 ans, 1 et demi, je pense. 1 et demi, mais seulement il y a 1 mois, ils m'ont écrit eux-mêmes. Parce que je me disais à chaque fois, mais comment les gens font des lives nuit et jour? C'est comme s'ils ne dorment pas, ils ne travaillent pas, ils n'ont rien à faire. Il y en a d'autres même qui commencent à danser comme les enfants. Ils font n'importe quoi. Il y a 1 mois maintenant, TikTok m'a écrit. TikTok m'a écrit que Donc je vais faire aussi n'importe quoi comme ça. Nga, nga, nga. Et ils m'ont écrit il y a un mois. Et il y a une semaine encore, ils m'ont encore réécrit. D'abord, il y a un mois, ils m'ont écrit que on fout en toutes les deux semaines. Dans un père, bon. Et maintenant, une semaine, il va faire dans ma tête tous les jours. Oh, look at these people. Vinini. Là, c'est pas dans TikTok parce que je vis que je vois des gens, on peut partager tout le temps dans les réels, quoi. Donc, comme la vie, il va, quoi. Donc, c'est comme ça. La royauté, je ne peux pas venir là. Na Lukambongo, nga. Excusez-moi, peut-être pour des amis ou des frères qui ont des soucis, des petits problèmes de santé, ils peuvent faire ça. Oui, c'est normal. Ou, comme on dit ici en Europe, soit des problèmes de revenus, ils peuvent faire ça. Mais on a commenté. Si je vais gagner plus par rapport à mon si je vais gagner plus que mon salaire, je dois créer un autre boulot. Je peux créer une entreprise de Naïmogo. C'est comme ça. Que tu vas te mettre là. Tu commences à chercher qui tu vas insulter aujourd'hui. Et tu prépares aussi maintenant qui tu vas insulter demain. Tout ça pour foutre un bon. Et vous insultez des familles, des gens que vous ne connaissez même pas, ni d'Adam ni d'Ève. Vous prenez une personne, soit une dame ou un monsieur, vous le prenez, vous le mettez là devant vous. Hein? Dans l'imagination, quoi, vous commencez à l'insulter. Et vous mettez même 10, 15. Hein? Je vois comment vous faites ces choses-là. Vous êtes là. Quelqu'un va monter, il va insulter, après il va descendre. L'autre va monter, il va insulter, après il va descendre. Maintenant, rentrons maintenant dans la. C'est que vous insultez les politiciens. Les politiciens. Maintenant, après, quand ils vont te prendre devant la justice, pour eux, maintenant qu'on s'est justifié, pourquoi tu fais ça, c'est comme un problème. Les gars, où tu as mon à la montée? Betra sa masolo na yo ya yo moko ya vina yo ya ba koko na bino ba noko na bino ba nan kazi na bino fait même tout ça c'est mien. Comme moi je me suis dit ça va, je vais commencer par mon père, my father, c'est comme ça. Je peux parler de papa de quelqu'un d'autre, non, tatanga mon père, c'est comme ça. Donc je peux parler ou je peux ne pas parler, mais je suis là, j'ai allumé mes appareils pour parler de moi. Si je finis de parler de moi ou je n'arrive pas à parler de moi, je peux que parler de la Bible. Vous comprenez? C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est ça au moins je connais, la spiritualité. C'est ça au moins je connais mieux. Mais ne prends pas ton temps à commencer à parler des gens juste parce que soit ils ne travaillent pas bien. Et toi, tu te mets là à commencer à les insulter. Et après, vous vous mettez là comme 10, 15, 20, à insulter les autres, les amis, s'il vous plaît. Bon, mes amis, à la moutée. Ok, guys, je suis là, comme j'avais dit, je vais parler de Bavo Marie-Marie, mais bon. Je pensais que non, je peux avoir des questions sur WhatsApp, je ne vois pas. Donc, je pense que ça va bien servir. Comme il y a déjà des vidéos où j'avais déjà tout expliqué, ils sont là sur YouTube. Vous pouvez voir les vidéos sur YouTube. C'est mieux. Invité, je ne sais pas quoi là, à rejoindre le live. Je ne peux pas faire ça. Comme je dis, il y a WhatsApp, on peut parler sur WhatsApp là. Ici, dans l'appareil qui est ici devant moi. si vous ne connaissez pas le numéro, je ne sais pas si je peux donner ça comme ça. Je ne sais pas. Okay. Si vous allez sur mon profil là, comme on dit, TikTok, ouais, YouTube, il y a tous mes numéros, je pense. C'est comme ça. Oh, attends, je vais essayer un peu d'écrire ça. Attends, je vais essayer d'écrire, je ne sais pas si ça va passer. Parce que j'ai un autre WhatsApp aussi dans cet appareil-là. Je vais essayer de voir, donc, parce que je ne veux pas faire monter quelqu'un là. Parce que l'appareil est déjà bien loin par rapport à là où je suis assis. Oya Biki Sakabana. J'ai commencé à une heure juste. Donc là, j'ai regardé le time, donc je ne vais pas aller trop, pardon. Je ne vais pas aller trop. S'il y a peut-être des questions, je peux répondre. C'est normal, mais je vais essayer un peu d'expliquer, comme je dis, sa naissance, un peu sa vie, sa petite vie, sa courte vie, ce que j'ai noté, sa naissance, sa vie, ses enfants. La dame, là, j'ai déjà expliqué. Donc, j'ai déjà expliqué. Donc, qu'il y a une dame qui se faisait passer pour la dame qui était de la voiture lors de l'accident. Or, ce n'était pas ça. Donc, si on pouvait aussi punir cette dame, on pouvait même la mettre en prison, ou soit l'envoyer devant les juges. On n'avait pas fait ça. Pourquoi? Parce qu'on était tous en Libanamboka, des Congolais. Donc, on avait compris que. C'était une dame infirme dans sa wheelchair, on dit. Wheelchair. Chaise roulante. Et elle cherchait l'argent comme ça. Elle se faisait passer pour la dame qui était la voiture lors de l'accident de Bavo Marie-Marie. Oh, c'était pas ça. Par contre, c'était ma mère, quoi. C'était ça. Attends, je savais de mettre un numéro ici. Si quelqu'un peut soit envoyer une question, je peux répondre. Oui, sinon. Ok. Donc, je sais pas les prendre. Demain, je ne travaille pas, je vais dormir. Un peu de vin. Il y a mon pire. C'est pas grave. Bon, je vais essayer de mettre les chiffres et puis quelques lettres pour masquer un peu. Salut, je viens non là, je ne sais pas qui là. Salut, je regarde un peu là parce que mes yeux aussi, pardon. Je suis déjà fatigué. J'ai 32. 4, 7. Il y a là, ça coupe à cause, ça dit que TikTok est en. Cours de mise à jour, Jesus. TikTok est en cours de mise à jour, réessaye intérieurement. Oh, parce que je voulais envoyer le numéro ou quoi? Ok, please, attendez. Loisa Bongo? 477? Oui. Et puis? Donc, plus 32, oui, 477, oui. Et puis, 242, oui. Donc, 242. Puis, 498, c'est bon. C'est ça, oui, hein? Oui, c'est ça. L'appareil est un peu loin. Ok, je vais réussir encore. Je vais réussir encore. Je lance ça comme ça. Comme ça, je lance ça. Cavalino Emilio, ça c'est moi. C'est le nom que j'utilisais lorsque j'étais jeune. Cavalino Emilio, Emilio Cavalino, c'est le nom que j'utilisais lorsque j'étais jeune. Et par après, lorsque j'ai repris vraiment, sérieusement, la vie des prières, je devais maintenant recommencer ou commencer à réutiliser mon vrai identité. Mon vrai nom, qui est sur mes papiers. Cavalino Emilio ou Emilio Cavalino, c'est comment? Lorsqu'on était jeune, vers les années 80, lorsqu'on venait ici, en Europe, on devait souvent cacher nos vraies identités et utiliser des fake names, ce que vous faites aujourd'hui là. On a fait ça lorsqu'on était des enfants, des jeunes. Moins de 20 ans, moins de 18 ans, on a fait ça. Maintenant, on voit aujourd'hui des papas. 40 ans, 50 ans, tu te fais connaître pour avec un faux nom. Oh, les amis, hé! Lorsque on venait, étant jeune, on devait cacher nos identités, c'était comme ça, c'était normal, utiliser un autre nom. Maintenant, Kombo Nangawana, mon nom là, je vais éviter français, mais bon. Malgré dans le baron, on peut bien te mettre obligé parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne sont pas congolais. C'est que ça, je le sais. Parce que je suis mal trop attaché avec les gens des autres pays. Maintenant, Cavalino Emilio, c'est comment? Vers les années 80, je vois les gens utiliser. Les autres, non, je dis ça va, moi je vais changer de nom. Aimer, ça va, aimer, ça va. Emilio. C'est venu comment? Parce qu'il y avait un modéliste ou un styliste qui s'appelait Emilio Cavallini. L-L-I-D-N-I aussi. Cavallini. Je dis non, je ne peux pas prendre tout son nom. Ça va, je vais changer ça. J'enlevais, j'ai laissé. Seulement L, I, N, j'enlève le I, j'ai mis O. Ça fait Cavalino. C'est comme ça. Et j'ai commencé à utiliser ça. Et j'ai fonctionné avec ça. Jusqu'à... C'est comme ça. Donc, ça fait que tous ceux qui me connaissent dans ma jeunesse, ils connaissent moi que Emilio Cavalino. Cavalino Emilio, c'était comme ça. Et ceux qui connaissaient Aimé, c'était des gens soit qui me connaissaient lorsque j'étais trop petit, on a grandi en étant trop petit, ou on a été à l'école ensemble, c'était comme ça. Mais lorsque j'étais ado, c'est... Cavalino, Cavalino, Cavalino, c'est comme ça. Vous comprenez? Maintenant, on voit aujourd'hui un papa. On voit à la retraite. Mais toi, tu commences à changer les noms à ton âge. Tout ça juste pour commencer à insulter les gens à ton âge. Et des choses que nous on fait ça lorsqu'on a encore un enfant. C'est normal. Mais quand tu commences à grandir, il faut changer, il faut redevenir normal. Même s'il n'y a rien, même si tu marches, même s'il n'y a rien qui fonctionne, mais il faut redevenir normal. Même pour les enfants, ils doivent voir que non, papa, elle a arrêté ça, elle a arrêté de fumer, elle a arrêté de faire ça, elle a arrêté de faire des bêtises comme ça, elle a arrêté tout ça, elle est redevenue normale. C'est comme ça la vie. On va voir un papa qui crie de la rue, qui cherche à taper quelqu'un de la rue. C'est quoi ce genre de papa-là? Les amis, que Dieu nous aide. Ok. J'avais déjà pris le 003 3D. Si quelqu'un va prendre ça pour envoyer un message ou question, on peut évoluer ensemble, c'est bon. On est ensemble là, on partage, c'est bon. Si je peux répondre, ça va? Oui, c'est ça, oui. Bon, la musique qui joue. C'est un frère qui voulait faire un album. Et il a travaillé, il a fait quelques chansons, il a fini. Et du coup, il a arrêté. Il n'a pas sorti ça. Il est rentré en Afrique. Et arrivé en Afrique, là-bas, à l'époque, il y avait encore Kabila qui était président. Et le monsieur, maintenant le frère, il avait trouvé des boulots chez Kabila, je pense. Et il a abandonné ses histoires de prières, de musique, de Dieu, tout ça. Bon, ils appellent ça musique de Dieu. Bon, moi je connaissais le frère parce qu'on a eu à prier ensemble à un moment donné, à une période. Et maintenant l'arrangeur de musique, la personne qui fait la musique, le studio, c'est mon frère, c'est notre fils de mon père, de Bavon Marie-Marie. Il s'appelle Elvis Siongo Bavon, c'est mon frère. C'est un arrangeur de musique. Donc lui, moi, c'est un pro de la musique. Et c'est lui qui m'a dit, je vais de temps en temps utiliser ça, mais je dois faire attention parce que c'est pour ces frères-là. Ils peuvent les sortir un jour, ça n'a jamais été publié, quoi, vous voyez. Et moi, j'avais pris seulement deux chansons. De temps en temps, j'utilise ça comme ça. Pourquoi? Parce que YouTube, si tu mets le son qui a déjà été publié, il y a des histoires de droits d'auteur, ça bloque, ça passe pas. Vous comprenez? Donc moi-même, j'ai toujours voulu commencer à faire des lives. Mais des fois, j'hésite. Pourquoi? Parce que j'ai voulu faire comme je fais là maintenant, je fais YouTube et TikTok en même temps. Donc j'ai des appareils, il y a ça, il y a un appareil là aussi, là où j'ai mis devant moi. C'est tablette, il y a téléphone, mini-tablette, et je peux rajouter d'autres appareils. Donc je vais essayer un peu, je vais vraiment essayer un peu de commencer à faire TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, tout ensemble. J'avais déjà commandé il y a quelques jours d'autres trépieds pour tablette, des choses comme ça, donc comme ça on peut de temps en temps partager la parole de Dieu, lire la Bible ensemble, hein. Et je peux commencer à lire pour vous aussi des notes que j'ai l'habitude d'écrire tout le temps. Mais comme ça passe bien lorsqu'il y a des musiques à côté, j'avais demandé à quelques frères de me faire aussi quelques sons. Je vais les payer. Parce qu'il y a beaucoup de frères ici à Bruxelles qui ont des studios de leur maison, des studios de musique de leur maison. Et moi, je vais les payer. Pourquoi? Pour ne pas que ce soit la musique des autres qui risqueront d'être bloqués chez YouTube et ça ne va pas passer. Vous comprenez? Donc c'est mieux d'avoir des musiques où tu contrôles. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ça. Donc, il n'y a rien de gratuit, quoi, les gars. Ok, donc Jean, j'ai mis le numéro là. Si quelqu'un voit qu'il peut envoyer un message pour qu'on parle ensemble, parler ensemble, c'est bon. Ce serait mieux. Sinon, bon, on va évoluer comme ça, doucement, doucement. Et c'est pas grave. Mais concernant l'évangile, je ne vais pas attaquer maintenant. Parce que moi, je sais, quand je commence à parler des choses de Dieu, tellement ici chez moi, tout autour de moi ici, c'est rempli de papiers, des notes, je ne fais qu'écrire, des messages, des exhortations, beaucoup. Vous comprenez, je ne fais qu'écrire tout le temps. Et comme je ne fais qu'écrire, ça vient beaucoup. Donc, je me suis dit, je dois commencer à partager avec vous dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, surtout depuis que je suis sur ce TikTok-là, YouTube, j'aime parce que YouTube, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, qui ont la maîtrise de la parole de Dieu, qui ont la connaissance de la parole de Dieu et des choses spirituelles. Mais TikTok-là, TikTok, Dieu me voit. Sur 100% de ceux qui se font passer pour serviteurs ou servants de Dieu, je vous dis 80% sont des bébés spirituels. Je peux même dire 80% sont des bébés spirituels, des gens qui aiment Dieu, qui aiment la parole de Dieu, mais qui sont encore des bébés spirituels. Qui ont encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Pourquoi je dis qu'il y a des bébés spirituels 80%? Parce qu'ils pensent que commencer à crier les noms de Jésus, c'est ça qui fait que nous sommes un bon serviteur. Non, ce n'est pas ça. Non. On crie. Lorsque tu es soit dans la rue ou dans une salle où vous faites ce qu'on appelle genre des campagnes d'évangélisation pour attirer les nouveaux convertis, vous devez soit crier pour les motiver, les donner cette envie-là. Mais lorsque maintenant tu es devant les gens qui vont déjà dans les églises, tu n'as pas besoin de crier. Lorsque tu es maintenant devant ceux qui vont déjà dans les églises, ceux qui se font appeler chrétiens, tu n'as pas besoin de crier. Il faut être calme et les expliquer la parole de Dieu. Les ABC de l'évangile. Il faut les expliquer. C'est pas que non, Jésus, le Jérémie, le Jéricho, il était tombé aujourd'hui. Non. Ça, c'est lorsque tu es devant la foule et tout est mélangé. Tu peux faire cette grimace-là. Tout le monde peut le faire. Je vous dis, moi, quand je le fais, tout le monde peut le faire. Tu peux le faire lorsqu'il n'y a rien devant toi. Tu peux faire cette grimace-là parce que tu appelles, tu es activé à attirer les gens pour venir vers Dieu. Maintenant, lorsque tu parles à des gens qui vont déjà dans les églises ou des gens qui se disent déjà chrétiens, tu vas t'asseoir et explique les gens les ABC de l'évangile. Comme on explique à un enfant l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, c'est comme ça. Et pourquoi ça? Maintenant, vous êtes là depuis que je suis sur votre TikTok là, un et demi déjà, presque 2 ans. Vous faites que crier. Ah, aujourd'hui, c'est le live, aujourd'hui, c'était chaud. Chaud de quoi? Et vous êtes là pour faire chaud le live? Jamel Debbouze ou quoi? Vous n'êtes pas des comédiens. Si vous êtes serviteur ou servant de Dieu, vous devez expliquer maintenant à ceux qui vous écoutent l'ABC de l'évangile. Que un enfant de Dieu, tu dois te comporter comme ça. Tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut faire attention comme ça. Il faut marcher comme ça. Il faut vivre comme ça. OK. Maintenant, cet enfant de Dieu-là, maintenant qu'il t'explique, il a compris comment fonctionner, comment vivre. OK. Ah, vous avez compris. Donc, demain, maintenant, soit semaine prochaine, on passe à une autre étape. C'est ça l'évangile. C'est ça. Donc, aider les chrétiens à grandir spirituellement, c'est ça l'évangile que beaucoup vous ne comprenez pas. C'est pour ça que vous êtes trop souvent, vous êtes presque tous, si je peux dire pas trop, 80% des bébés spirituels. Lisez 1 Corinthiens chapitre 3. Frères, pour moi, je vous parle pas comme à des hommes spirituels, mais comme à des enfants à Christ. Ça, c'est Paul, frère Paul, qu'on appelle apôtre, qu'on dit apôtre, notre frère Paul, qui explique aux Corinthiens, frère, pour moi, je ne vous parle pas comme des hommes spirituels, mais comme à des enfants en Christ. Parce que vous êtes encore charnel. Oh, donc, vous êtes chrétien, mais vous êtes des enfants. Vous êtes chrétien, mais vous êtes charnel. Je ne vous parle pas comme des hommes spirituels. Parce qu'en Christ, il y a des hommes spirituels. Il y a aussi des enfants. C'est ça. Vous devez essayer de comprendre toutes ces choses-là. Vous devez comprendre toutes ces choses-là. Les amis, Mambazambe. Les choses de Dieu. Vous devez aller doucement. Et puis ne pas se mettre comme quelqu'un qui connaît beaucoup, qui connaît tout. Non. Nous, on apprend toujours. Et on réfléchit toujours. Pourquoi. C'est comme ça. Pour avancer. Je chasse un esprit aujourd'hui. Mais pourquoi demain, je dois qu'on recommence à chasser? Maintenant, il faut réfléchir, les amis. On va à l'église aujourd'hui. On va chasser l'esprit de Marie des Nuits. Ça va, on va chasser Marie des Nuits. Si on l'a chassé, donc il est parti. Maintenant, pourquoi qu'on revient encore demain, tu veux qu'on chasse encore? Ce qui est, ça ne va pas. Il y a ça ne va pas. Ou tu joues avec les gens. Et maintenant, vous aussi, vous laissez qu'on joue avec vous. Donc, et vous, et les pasteurs, vous êtes tous des bébés spirituels. Et lui, maintenant, il joue avec vous. Et vous aimez ça. Et quand vous aimez ça, vous restez tous des bébés spirituels. Et vous et lui, vous restez tous des bébés spirituels. Mais les enfants de Dieu doivent grandir spirituellement, doivent croître. C'est pour cela que Paul dit, lisez 1 Corinthiens chapitre 3. Lisez juste 1 Corinthiens chapitre 3 et c'est un peu de réfléchir. C'est ce verset-là, les deux premiers versets. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je parle, mais comme à des enfants en Christ. Donc c'est comme si tu es à la maison avec tes enfants. S'il y a un enfant qui a déjà 18 ans, 20 ans, lorsque tu parles avec lui ou avec elle, tu sais qu'elle est déjà mature. C'est un jeune. Tu vas le parler différemment. Par rapport à un enfant qui a moins de 10 ans ou 10 ans, c'est comme ça. Maintenant, les choses spirituelles, ce n'est pas question d'âge physique. Tu peux avoir 50 ans ou plus que 50 ans comme moi, mais tu es encore un bébé spirituel. Tu peux avoir 20 ans, mais tu deviens mature. Galates, chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, ne diffère pas à un esclave. Alors pour dire que, aussi longtemps que toi, un enfant de Dieu, tu ne veux pas comprendre que non, faut grandir spirituellement, parce que lorsque tu comprends, automatiquement, tu commences à grandir. Lorsque tu comprends, automatiquement, tu commences à grandir. Donc, tu mets fin à la vie du bébé spirituel, à l'enfance, à l'enfantillage, je peux dire. Je ne sais pas français là. Tu mets fin, une fois que tu comprends, tu mets fin à cette vie-là des enfants, tu vas commencer maintenant à chercher à grandir. Mais aussi longtemps que tu veux rester un enfant, tu seras géré par les autres. Et lorsque tu es géré par les autres, tu resteras là, ils vont te manipuler. Pourquoi? Parce que tu veux rester un enfant. Peu importe ton âge. Nous avons, excusez-moi, j'aime aussi souvent expliquer ça, nous avons dans la vie nos sœurs et nos frères, un peu partout dans le monde, beaucoup, qui ont des enfants, qui ont des petits soucis de santé, mentale, où ils sont obligés de surveiller ces enfants, peu importe leur âge, même 15 ans, 20 ans, c'est comme ça. Pourquoi vous savez que non? Il a un peu des petits soucis au niveau de sa mentale. Donc, il faut l'aider toujours, il faut le surveiller. Et la spiritualité aussi, c'est comme ça. On voit une maman, soit un papa, qui va à l'église depuis 40 ans, 50 ans, mais toujours, alléluia, alléluia, alléluia, amen, aujourd'hui c'était chaud, chaud de quoi? Chaud de quoi? Le chauffage? Vous avez oublié de fermer le chauffage? Chaud de quoi? Oh, Dieu est avec nous. Et Dieu là, il vous a quitté quel jour? Parce qu'il est toujours avec vous. Il a dit que le Saint-Esprit sera là avec vous tous les jours. Il ne va pas vous laisser un jour. Il est là, le Saint-Esprit, il est là avec nous tous les jours. Et on n'a pas besoin de sensations pour savoir qu'il est là avec nous. La foi n'a pas besoin de sensations, non. Le Saint-Esprit n'est pas feeling, n'est pas une sensation, non. C'est croire qu'il est là avec toi. Tu es un avec lui. C'est tout. Basta, that's all. Crois que tu es un avec lui, c'est tout. C'est ça la foi inébranlable. Ah, je voulais parler de mon père. Hein. Ah, mamouyo. C'est ma fada, je voulais parler de mon père, mais ça commence un peu à faire un peu les... Comme les dépositaires disaient, j'ai cherché moi. C'est ça. Ça commence à bouger un peu. Non, les amis, réveillez-vous, les amis, réveillez-vous. Réveillez-vous. Même la prière, là, il faut se réveiller. Même la prière, il faut se réveiller. Ok, je dis que je suis là, on est là. Hein? L'évangile, on va parler de l'évangile peut-être demain. By the grace of God, j'ai beaucoup de carnets ici, des papiers que j'écris. Des livres publiés, il y en a beaucoup ici. Je suis là, bon, j'ai donné mon numéro, mais je n'ai pas vu sur WhatsApp signe de vie, il n'y a rien. Donc, on continue comme ça. On parle. So, please, s'il y a quelqu'un sur Facebook, TikTok là, non, ça c'est petit. C'est pas Facebook, c'est YouTube. Manifestez-vous, please, les gars. Manifestez-vous, please, s'il vous plaît. Les minots that you are there. Fais-moi savoir que tu es là, please. Fais-moi savoir que tu es là. Fais-moi savoir que tu es là. Parce que quand je vais finir là, parce que j'ai fait un live il y a, je pense, il y a une semaine ou deux, je ne sais pas. Et quand j'ai fini, on m'a dit qu'il y avait, je ne sais pas, 400 et quelques personnes qui me regardaient. Je dis, mais comment ça, je ne voyais personne là? Comment ça, 400? Mais je ne voyais personne. Ou vous regardez ça toujours, donc comme on dit, vous regardez ça toujours comme ça, dans un coin, c'est là chez toi, tu n'as pas sommeil, tu ne veux pas dormir, je regarde ce que c'est dit. Moi, c'est 1000 euros, mais c'est 1000 euros. Je suis là. Amona Yesu. Ok. Bon, je vais essayer de parler de sa naissance. La naissance de Bavo Marie-Marie. Bavo Marie-Marie est née dans la ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa, au mois de mai. C'est ça, mois de mai, oui, c'est ça, oui. Mois de mai. La date, j'ai oublié. Je pense 14 ou 27, je ne sais pas, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Mais elle est née au mois de mai 1944. Et il est mort aussi, David de Kinshasa, le 5 août 1970. Comme on dit, 1970. Donc, né, David de Kinshasa, mois de mai 1944. Et il est mort 26 ans après. La nuit du 5 au 6 août 1970, donc 1970. Maintenant, je vais essayer d'expliquer sa naissance. Pourquoi je dis que je vais expliquer sa naissance? D'abord, ce que j'ai monté là. Ça commence par un monsieur. Ça, c'est plus les Congolais qui peuvent connaître ou comprendre ce que j'explique. Maintenant, ce que je vais expliquer. Congolais, peu importe, Braville, Kinshasa, Angola, les Congolais, les nés Congo, mais en général, Congolais, je veux dire. Et je salue une amie à Ponton, je ne sais pas si tu es là, Alain, je te salue, au noir. Ok. Il y avait un monsieur. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yvon Emongo. Un monsieur qui s'appelait Yvon Emongo, originaire des tribus Tetela. Lorsqu'on parle de tribu Tetela, on voit la province de Kasaï, je parle de l'époque, je ne sais pas si comme ça, ils aiment changer tout. Moi, je remonte vers les années 30. De Kasaï, le Sankuru, je pense, Sankuru, Kemafumbe, Ono Tetela. Donc, c'était M ou Tetela. Vers les années 30, qui était parti travailler. Moi, c'est juste bon que j'ai besoin de prise, juste c'était la prise, manifeste la prise, man. Oh, là, déjà. Manou et les Kébélé. Trop de noix. Bob Marley. Il y avait un monsieur qui était parti travailler à Sonabata, dans le Congo central. Dans les Bas-Congo, Bas-Zaïre. Ce monsieur était un Tetela. Il s'appelait monsieur Yvon Emongo. Et lorsque cet homme est parti travailler là-bas dans le Congo central, un mout était là. Il a fait connaissance avec une dame ou une fille. On est dans les années 30. Il a fait connaissance avec une dame au nom de Hélène Mbonga. Hélène Mbonga. Donc je vais aller un peu vite. Parce que je vais charger mon verre là. Ça va bien. Cet été-là, ce monsieur-là était là. Il était parti travailler à son abattoir. Le monsieur s'appelait Yvon Emongo. Vers les années 30. Something's wrong sur TikTok. Ok, I have to do peso, c'est ça. C'est bon, thank you. Ok. Ce monsieur qui était parti travailler à son abattoir, à le Congo central, avait fait connaissance avec une femme ou une fille ou une jeune dame au nom de Hélène Mbonga. Et dans les relations, cet homme-là, qui était là, qui était parti pour travailler à son abattoir, cet homme-là, qui était là, Mout était là, Yvon et Mongo, qui était parti travailler à son abattoir, il a eu à faire connaissance avec une dame, une jeune femme dans les années 30, au nom de Hélène Mbonga. Et dans leur relation, ils ont eu à faire un enfant. Ils ont donné le nom de François. François. Luambo. Invité, je sais pas quoi là, live, non, je connais pas. Ok, le monsieur Yvon Emongo a fait connaissance avec Hélène Mbonga et dans les relations, ils ont eu un enfant, ils ont donné à cet enfant le nom de Luambo François, François Luambo. Pourquoi François Luambo? Parce que cet homme-là, Yvon Emongo, lorsqu'il est parti travailler là-bas, il avait laissé sa famille, donc ses frères et sœurs. Ou précisément, je ne sais pas si j'ai ça. Un jour, je vais demander encore, même si je vois quelqu'un de la famille, je vais demander encore. Jamais demandé ça, où ils étaient restés. Maintenant, cet homme là où il travaillait, il a donné maintenant à son fils les noms de son frère. Donc son frère s'appelait François Luambo. Donc il a donné ce nom là à son fils. Donc je vais essayer un peu de rafraîchir un peu quelques mémoires des personnes. Maintenant, les vrais, quand je dis les vrais, ça veut dire parce que le François Luambo, que vous connaissez, celui que vous connaissez en tant que musicien, je parle des Congolais qui connaissaient François Luambo, Franco, en tant que musicien, vers les années 30, c'était un bébé. Mais les vrais, c'était maintenant le papa de Joe Issa. Joe Issa est musicien. Il vivait où il habitait, dans le quartier Ikomoraf, qu'on appelait quartier 20 mai. Là, ils avaient construit le stade du 20 mai. Et juste là, il y a le stade du 20 mai. devant Stade Vemey à Matongé et derrière Stade Vemey il y a le quartier Ikomoraf qu'on a tous connu au nom de quartier Vemey. C'est là que vivait le monsieur François Luambo avec ses enfants, ceux qui sont nés après bien sûr, mais je dis, je mélange tout en même temps. Parmi ses enfants, il y avait un de ses fils aussi qui s'appelait Joe Issa, qui faisait aussi de la musique. Il a joué avec Lita Bembo, tout ça, Joe Issa. Donc c'est son père, le papa de Joe Issa, qui est le vrai Kolo Kombo, François Luambo. Et M. Yvon Emongo, il a donné à son fils le nom de son frère. Et quelques temps après, cet homme-là, Yvon Emongo, s'est retrouvé en prison, là-bas dans le Congo central. Il s'est retrouvé en prison, pourquoi? Ça, je ne sais pas, c'est les histoires des années 30. Ce temps-là, il travaillait, je pense, encore pour les gens qui les colonisaient, je pense. Il s'est retrouvé en prison. Et pendant qu'il était en prison, sa femme, si on peut dire, sa copine, sa femme, c'est les années 30, je ne connais pas. Elle a eu maintenant à faire encore un autre enfant avec quelqu'un d'autre, pendant que Yvon et Mongo étaient en prison. Ça, c'est les connaissances que moi j'ai, selon ce que moi j'ai récolté de la famille depuis que je suis né. Vous comprenez? La dame Hélène Mbonga a eu à faire un enfant avec un autre monsieur. Et cet enfant-là, maintenant, il lui a donné le nom de, comme c'était avec quelqu'un d'autre, c'était pas avec Yvon et Mongo, c'était avec quelqu'un d'autre. La dame Hélène Mbonga a donné à son deuxième fils le nom de Alphonse. Alphonse, nous maintenant, on connaissait ce monsieur Alphonse dans un autre nom. Son nom de la jeunesse, c'était vieux John Derek. Pourquoi John Derek? Parce que c'est le nom de leur temps, des Yankees, comme on dit. Hein? Des gens qui étaient, qu'on ne jouait pas avec, quoi, des bagarreurs, quoi, comme ça. Donc, vieux Derek. Et lorsque Yvon et Mongo est sorti de la prison, le monsieur a décidé de prendre sa femme. Et son fils, François Luambo, et le deuxième fils de sa femme, qui avait eu avec un autre monsieur. Donc, la dame maintenant avait deux enfants, le premier avec Yvon et Mongo, le deuxième avec quelqu'un d'autre. Donc il a eu deux enfants et le monsieur, il a pris sa femme et les deux enfants. Ils sont maintenant venus vivre dans la ville de Kinshasa et c'est dans ce temps-là que maintenant la ville de Kinshasa. Donc, ils sont parmi les premiers habitants de la ville de Kinshasa et ils ont vécu à Kinshasa. Les détails, tout c'est sur YouTube. Maintenant, à Kinshasa, c'est là maintenant qu'ils ont fait le troisième enfant qui s'appelle maintenant, qu'il a maintenant donné le nom de Siongo Bavon Marie Marie. Siongo Bavon Marie Marie. Maintenant, Siongo Bavon Marie Marie, les vrais, c'était quelqu'un d'autre aussi. Ça veut dire quoi? Ce monsieur-là, ils vont donner à ses enfants les noms de ses frères. Vous comprenez? Donc pour dire que il y avait aussi un autre Siongo qui était son frère. Bavon aussi. Il a donné son nom, ce nom-là, sur ce nom-là, à son deuxième fils, mais qui était troisième fils pour la dame, Hélène Mbonga. Deuxième pour le monsieur, mais troisième pour la maman. Siongo, Bavon, Marie-Marie. Et après, ils ont eu un autre enfant, maintenant c'était une fille. Et lorsque ils ont eu un quatrième enfant, c'est une fille. C'était une fille, on l'a donné le nom de Akangana Marie-Louise. Akangana Marie-Louise, c'est le nom maintenant de la sœur de M. Yvon. Donc, tante Marie-Louise, beaucoup de gens le connaissent parce que lui, il est mort en 2002, je pense, 2002, elle est morte en 2002. Notre tante Marie-Louise, donc, elle m'a porté le nom d'un coco, cher pour nous, un coco, Gabi. Mais à part François Luambo de Joyce, qui habitait à 20 mai, tout le reste, maintenant, ils étaient dans la commune de Kassavubu. C'est comme si ils sont parmi les gens qui ont partager des parcelles de la commune de Kassavubu. Parce qu'ils ont occupé beaucoup de parcelles de la commune de Kassavubu. Beaucoup. Et ils étaient toujours dans les coins Eyala Chaba, avenue Eyala Chaba, croisement Eyala Chaba, croisement Djolou Chaba, Gemena Asosa, Lissala, Gambela, oui, c'est ça. Et ça a été comme ça. Bon, bref, d'autres détails, c'est sur YouTube. YouTube à mon nom, vous pouvez trouver beaucoup. Je pense que j'ai fait 4 vidéos où j'ai beaucoup expliqué. Et après la naissance maintenant de Bavon, le monsieur Yvon était mort. Et maman Hélène Mbonga avait maintenant pris un autre monsieur, parce que c'était des jeunes de l'époque, pour continuer sa vie. En continuant sa vie, la dame elle a eu des enfants avec son nouveau conjoint. La première, c'était Marie-Jeanne, tantine Marie-Jeanne. Elle est morte, parce que Marie-Jeanne elle est morte en 2015. Et tonton Freddy, qui est, comme on dit, le dernier de madame Hélène Mbonga, donc son dernier fils, lui, il est toujours vivant, il vit avec nous ici en Belgique. Et lui, il est ici en Belgique depuis 79, qu'il vit ici en Belgique. Mais il va souvent à Kinshasa, mais il est souvent ici en Belgique. Donc, c'est lui qui avait accompagné, c'est lui, quand je dis lui et son cousin, c'est eux qui avaient accompagné Papa Wemba pour le premier voyage de Papa Wemba ici en Europe, à ce temps-là, 79. Depuis là, ils sont restés ici, et ils vont souvent en Afrique, mais ils sont restés ici. Bon, bref, ça, c'est la naissance de Bavon, comme je dis. Donc, son papa a donné le nom des gens de sa famille à ses enfants. Et c'est comme ça. Donc, je voulais parler de sa vie aussi. Mais comme je dis, je pense que ce serait mieux. Vous pouvez voir tout ça sur YouTube. Mon YouTube là, cherchez dans les vidéos, vous allez trouver, il y a 4 vidéos où j'ai tout expliqué en détail. Ok les amis. Je m'arrête là. Donc, je voulais parler des droits. Ces droits, c'est sur YouTube là, de la dame de chaise roulante, qui se faisait passer pour la personne qui avait fait l'accident, qui était dans sa voiture lors de l'accident. Je vous expliquais là, tantôt, que ce n'était pas elle, cette dame-là, mais c'était ma mère qui était là-dedans. Maintenant, pourquoi je dis que non, où j'avais dit il y a quelques jours dans des commentaires quelque part là-bas, je ne sais pas où là, que c'est pour moi qu'il était mort. Sœur, je ne sais pas si c'est interdit de boire pendant qu'on fait live là, je sais pas, je ne sais pas. Mais donc, comme il faisait la musique, c'était un jeune musicien. Je dis, c'est bien expliqué sur YouTube là. Et son grand frère aussi faisait de la musique. En même temps, son grand frère aussi le surveillait et l'aidait aussi. Parce qu'ils ont vraiment un écart d'âge. Lui, il est né à 44. Son grand frère est né, je pense, à 38. Et normalement, il devait faire les études comme tout le monde. Mais lui, il ne voulait pas. Selon ce qu'on nous a dit, il ne voulait pas. Il voulait seulement de la musique. Des fois, il devait quitter la maison familiale chez sa maman. Malgré les galères de l'Afrique, il devait aller avec ses amis dans le Congo central, passer le temps là-bas, passer pour vivre là-bas, dans le Congo central. De temps en temps, revenir à Kinshasa. Et par après, son grand frère avait décidé que non, qu'il reste la musique, si on peut dire comme ça, et commençait aussi à l'aider. Et c'est son grand frère qui avait demandé au responsable du groupe Negro Succès d'aider son petit frère pour qu'il puisse intégrer ce groupe-là. Parce que c'est lui, son grand frère, qui leur donnait des instruments de musique pour faire des soirées, des concerts, tout ça. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde peut faire ce qu'il veut, tout le monde a ce qu'il faut. Mais à l'époque, vraiment, des choses-là, des matos, comme des instruments, c'était pas donné à tout le monde. Moi, je me rappelle même vers les années 80, mon frère, que je dis là, qui a fait ces sons-là, mon frère Elvis, qui faisait de la musique depuis qu'on était trop petit dans les années 80. Franco l'avait offert aussi des instruments de musique complets. Il y avait beaucoup de groupes qui venaient juste pour louer ces instruments-là. Malgré mon frère, il avait aussi son groupe. Maintenant, des instruments de musique, c'était rare dans les années 80 là-bas. Maintenant, remonter dans les années 30 ou, je sais pas, 50, 50, 60, c'était pire alors. C'est comme ça. Et c'est comme ça que Bavon faisait sa musique. Fast Live. C'est quoi ça, Fast Live? Fast Live. Je ne peux pas faire monter comme ça. Comme je dis, passer sur WhatsApp. WhatsApp est là. J'ai cet appareil-là, il y a WhatsApp. Plus 32 0477 puis encore 2 42 quoi encore. Vous entendez 4, 7, 7, 42, 42. Je connais pas. Je connais pas trop les numéros de tête. Ok, bref, on va taper là. Je pense que j'avais déjà mis les numéros là pour chercher ça. Je pense, attends. Ok, bref. Donc c'est comme ça qu'il faisait la musique. Et c'est son frère qui l'avait aidé à intégrer ce groupe-là. Négro succès. Mais, les amis, il y a des puissances occultes, donc cachées. Quand on dit occultes, beaucoup de gens prennent ça mal. Moi, occultes, beaucoup de gens prennent ça mal. Il y a des puissances spirituelles dans ce monde que nous vivons. Ou même nous-mêmes qui se disent enfants de Dieu, qui se disent chrétiennes. Des attaques que nous rencontrons dans la vie. Lorsque tu es encore un bébé spirituel, c'est de la joie, c'est des petites épreuves, des attaques à surmonter tous les jours, parce que tu es encore un bébé spirituel. Mais quand tu commences à grandir spirituellement, les attaques aussi deviennent trop dures. Et ça devient vraiment, chaque niveau a des combats ou des attaques différents. Ou des fois, tu peux même fuir ta propre maison. Parce que tu commences à voir des choses où tu ne comprends pas pourquoi, mais tu vois ça. Parce que tu as choisi le monde spirituel. Vous comprenez? Et la musique, c'est comme ça aussi. Donc, c'est pas facile ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Moi, les gens ont toujours pensé que je devais le faire. Mais je n'ai pas eu à le faire, je n'ai jamais fait ça. Mais si on voit quand on grandissait, lorsqu'on était petit, des enfants, j'étais vraiment comme un musicien. Donc comme je dis en lingala, aujourd'hui, coucou, comment dire la photo t'es. Si vous me voyez aujourd'hui, je suis vieux, j'ai 54 ans, j'ai déjà vieilli, j'ai déjà fait ma vie, mon corps est déjà fatigué, on peut dire comme ça, fatigué de sens qu'il y a de faire n'importe quoi, vous voyez. Mais s'il faut parler de l'apparence physique, si vous voyez quand j'avais 15 ans, 20 ans, même 30 ans, c'est Michael Jackson que tu peux voir dans la rue. Quand je dis Michael Jackson, ça veut dire que j'étais moins présentable. Hein? Ou même les musiciens pensaient que j'étais musicien. Je dis bien, même les musiciens pensaient que j'étais musicien. Mais j'ai jamais fait de la musique. Parce que Je grandis dans ça. Je savais comment marcher, comment me tenir, comment parler, comment se faire passer pour un chef. Nous, on est grandi dans ces choses-là. D'abord, la famille. Deuxièmement, Kasavubu. Troisièmement, Molokai. Comprenez? Donc, on était mal là. Parce que la plupart des musiciens dans notre époque, quand on était jeunes, bien sûr, la plupart des musiciens dans notre époque, c'était juste des gens qui avaient des belles voix. On les prenait à faire de la musique parce qu'ils avaient de belles voix pour chanter, de belles voix, c'est ça. Mais, présence, nous on avait ça. Nous on avait cette présence là où tu passes, les gens sortaient pour regarder. C'était comme ça. Et les gens pensaient que nous on était des musiciens, mais on n'était pas des musiciens. Je ne peux pas citer les noms des amis. Je ne peux pas citer les noms des amis, mais nous on a grandi dans ça. On était comme des musiciens, c'est comme ça. Ou même lorsqu'on allait dans les écoles, comme moi j'étais à la tête de la Gombe, vers les années 80, à la tête de la Gombe, c'est même trop difficile pour nous de continuer les études. Pourquoi? Parce que On était tellement trop attachés à la musique. Hein? Deuxièmement, on avait aussi l'argent. On avait tout. Donc, et par là, on comprenait que non, les gens maintenant qui faisaient de la musique, ils devaient chercher des puissances, hein, des puissances dans le domaine spirituel, mais pas avec Dieu, mais chez l'ennemi, pour qu'ils puissent avoir cette aura-là qui pouvait leur donner du succès, la visibilité. C'est comme ça. Vous comprenez? Parce que beaucoup des artistes musiciens, je dis bien, de notre époque, je sais pas si juste aujourd'hui, parce que moi, je sais même pas, ça fait des années depuis 92. J'ai arrêté cette histoire-là d'aller dans les soirées, les musiques, tout ça. 92, 92. Vous comprenez, imaginez un peu. 92. Donc, tout justement, c'est YouTube qu'on peut écouter ça aujourd'hui. Et YouTube, ça, YouTube a commencé en 2006. Donc, avant YouTube, là, donc, je pouvais écouter ça comme ça par hasard. La musique, ça ne me disait rien du tout. Parce que nous, on était dedans. On est grandi dans ça. Il y a des amis qui allaient vers les artistes hein, pour qu'on puisse mettre leur nom dans les chansons. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le nom où ils peuvent se faire reconnaître directement. Non, mais nous, on avait ce nom-là, comme moi. Je n'avais pas besoin d'aller voir quelqu'un pour qu'il puisse mettre mon nom dans une chanson. Non, ce n'était pas ça. Mais on était dedans. On grandissait dans ça. On voyait ces gens-là. Donc, bref. C'est des pauvres pères que j'ai parlé, où je parle. Donc, son frère l'aidait à avancer dans les groupes où c'est son frère qui l'avait aidé à intégrer les groupes où il a évolué jusqu'à sa mort. Et maintenant, ma mère, mon père, il a eu plusieurs enfants avant moi, bien sûr. Quand je dis plusieurs là, même deux ou trois, on peut dire, pour ne pas citer tout. Je peux dire même deux ou trois avant moi. Et après maintenant, il était tombé chez un enfant de blanc. Une fille métisse, ça veut dire que non, d'un papa blanc et d'une maman congolaise, donc c'est ma mère, et la fille aussi. C'est pas comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, même quand on réfléchit aujourd'hui, on voit le monde, aujourd'hui c'est devenu, ça a changé vraiment. Parce que moi, ma mère, quand elle m'a mis au monde, elle avait 15 ans. 15 ans. Et lorsqu'une femme met au monde un enfant à 15 ans, cela veut dire qu'elle était tombée enceinte à 14 ans. Donc c'est comme ça. Vous comprenez? Donc cela veut dire qu'elle était tombée enceinte à 14 ans. Elle m'a mis au monde, elle avait 15 ans. Lorsque je regarde aussi sur Google, aujourd'hui même, quelques temps, il y a longtemps, j'ai regardé sur Google, je voyais aussi que Mobutu, je ne sais pas si c'est une erreur, ou si c'est vrai, je ne sais pas, que Mobutu, lorsqu'elle avait épousé Mama Cécé, elle avait 14 ans. lorsque Mobutu avait épousé Maman Sese. Je regardais les photos de vidéo, je dis, ça peut être vrai, parce que tu vois, Maman, une très belle dame, mais une très belle femme, mais trop petite comme ça. Je me dis donc, à cette époque-là, c'était normal. 14 ans, 15 ans, les femmes se mariaient. Les enfants, quoi, se mariaient. Et commençaient aussi leur vie. Bref, ma mère m'a mis au monde, elle avait 15 ans. Et comme on va dire 15 ans, cette jeune fille, après cela, elle était tombée encore enceinte, si on peut dire, tombée encore enceinte, toujours de Bavon Marie-Marie. Mais c'était pour mettre au monde le dernier bébé. Mais ce dernier bébé-là, il était né. Il était né pendant que le Messie était déjà mort. Donc, il est né avril 71 ou 71. Donc, mon petit frère, que beaucoup les connaissent aussi. Mais les points se soient, le problème c'est quoi? On va même pas parler des bébés qui est né après. Parce que ça c'était une grossesse. Ou peut-être les messieurs ne connaissaient même pas ça encore. Parce que tout ça c'est venu, ça s'est fait après sa mort. Mais on va juste dire que non, c'était une jeune fille qui venait d'avoir un bébé. Pourquoi je dis qu'il est mort pour moi? Le monsieur venait d'avoir un enfant avec une jeune fille, métisse, belle. Et cette jeune fille-là, métisse, c'est comme si tous les jeunes hommes de l'époque voulaient soit de cette fille-là. Parce que ce n'est pas le monde comme aujourd'hui, parce que le monde évolue et la population aussi grandit, augmente, on peut dire. Et il y a beaucoup de gens dans le monde. Mais avant, quand j'arrive un peu ça, je mets ça comme ça. Oui, sorry. Attends, je vais regarder là-dessus. Non, ça ne tient pas. Ok. La population grandit. Mais soit à l'époque, il n'y avait pas la population comme aujourd'hui. Et voire même la ville de Kinshasa n'était pas comme aujourd'hui. Vous comprenez? En termes de la population, tout ça. Et la jeune fille faisait aussi partie des jeunes filles qui aimaient les soirées aller de gauche à droite. Ce que j'avais compris. Selon comme je parlais avec beaucoup de gens avant, sur ces choses-là, sur ces histoires-là. Donc, l'artiste et musicien aussi, M. Bavon, lui aussi c'était quelqu'un aussi, on peut dire, un artiste qui faisait sa vie aussi, avec de gauche à droite aussi. Et maintenant, le soir de sa mort, c'est comment? Le type n'était pas avec la fille, ou le monsieur n'était pas avec la copine. Ils n'étaient pas ensemble. Et, selon ce que moi, j'avais entendu comme les histoires que les gens m'ont dit de gauche à droite, même les amis de ma mère, les amis de ma mère, parce que beaucoup me prenaient comme leurs enfants. Beaucoup de dames de cette époque-là m'ont raconté des histoires, même beaucoup de messieurs, les amis des Bavons, ces pires petits, tout ça de l'époque, qui me racontaient des histoires de temps en temps. Parce qu'au niveau de la maison, de la famille, personne ne nous a raconté des histoires-là, personne. C'est quoi ça? J'enseigne. Ok. Que cette soirée-là, ils devaient faire la musique et ils n'ont pas eu à le faire, ils n'avaient pas fait ça. Donc son groupe, avec ses amis, il devait jouer un concert, mais non, ils n'avaient pas joué ce concert-là. Pourquoi ils n'avaient pas joué? Parce qu'ils n'avaient pas eu, si je comprends bien, ils n'avaient pas réussi les instruments. Parce que les instruments, c'est comme si c'était son grand frère qui leur donnait, au groupe de Bavon, les instruments. Donc les messieurs, son grand frère, leur donnait des instruments pour faire des soirées. Mais c'est comme si ce jour-là, ou cette soirée-là, ils n'avaient pas réussi à obtenir les instruments. Donc ils n'ont pas joué. Et du coup, le type maintenant avec sa voiture, il passait sa soirée de gauche à droite pour aller voir les autres groupes, comment ils jouaient. Et pendant qu'il se baladait, il a trouvé maintenant sa copine, ma mère, dans une soirée, quelque part. Et le type n'était pas content de savoir que elle a un bébé, parce que j'avais, je pense, 6 mois. Je pense que j'avais 6 mois. Étant donné qu'elle a un bébé, elle ne devait pas se retrouver dans les soirées. Et elle a trouvé la fille dans les soirées. Et c'est là qu'elle avait pris la fille pour le ramener maintenant là où elle avait laissé le bébé. Avec l'idée, on y va, ce que moi on m'avait dit, avec l'idée que non, on y va, tu vas me donner mon enfant, je pars avec. C'était ça l'idée. Et nous, on a rencontré, moi, c'est comment rencontrer comme l'histoire. Donc, elle voulait ramener le bébé. Donc, elle a trouvé la copine dans une soirée, elle a pris la copine, ils ont monté dans la voiture pour aller maintenant là où elle avait laissé le bébé. Maintenant, la copine, la jeune fille, elle avait 2 places. Elle habitait à Bandal et à Kitambo. À Bandal, c'était chez des parentés de son père, la fille. Les parentés, donc des gens de parentés de son père, je ne sais pas comment, Sir Dimbaboma. Donc, si vous connaissez les anciens de Dimbaboma, ils connaissent l'histoire. Il connaît même là où moi j'habitais aussi à Dimbaboma, à Bandal. Et maintenant, Kitambo, c'était chez la maman de ma mère. Et le bébé que je suis s'est retrouvé à Kitambo. C'est là que maintenant, il devait remonter jusqu'à Kitambo pour chercher l'enfant. Parce que l'artiste, Bavon, il voulait prendre son bébé parce que sa copine, elle était dans les soirées tandis qu'elle devait être avec l'enfant à la maison. Et c'est là que non, ils allaient en disputant le long des routes dans la voiture et ils s'est retrouvés. Ils ont fait l'accident. Et de l'accident, c'est là que non, il était mort. C'est juste ça. Et lorsque maintenant il était mort, c'est ça qu'il avait fait maintenant, que non, juste après sa mort, après les enterrements, machin, les histoires là, quand c'est fini, c'est passé, machin, tout ça, la famille de Bavon, bien sûr, ils n'ont même pas tardé. Ils sont juste partis me prendre, moi, pour me ramener maintenant chez eux, dans sa famille. C'était comme ça. Et par après, bien sûr, comme je dis, par après, bien sûr, comme la jeune était encore enceinte, elle a eu un autre enfant par après. Donc, c'était mon petit frère, que beaucoup les connaissent. Donc, c'était ça. Il y a encore deux petites histoires que je vais rajouter encore. Avant de clôturer sur ça. Sauf si ça va couper. Je ne sais pas si pendant que ça tourne là, je peux déplacer un peu pour charger mon fer. Comme on dit, je ne sais même pas. L'histoire de live là. Si ça va couper, ça ne dérange pas. Les vidéos que j'ai déjà parlé, comme je dis, c'est sur YouTube que j'ai déjà fait 4 vidéos sur ces histoires. Où j'ai même expliqué vraiment en détail, beaucoup, beaucoup. J'avais fait ça en 2022, oui. J'avais fait ça en 2022. Je pense janvier 2022, j'avais vraiment bien expliqué. J'avais fait 4 vidéos. Je vois quelqu'un qui a écrit que Dieu te bénisse, merci. Merci. Salut, comment vas-tu? Merci. God bless you all. Coucou, mon beau. Coucou de qui, mon beau, c'est qui? Are you the crazy or what? Ok, je vais essayer de lire un peu les commentaires ici maintenant. Je dis, tu lis les commentaires. Je vais lire les commentaires ici, ça paraît, merci. Donc, je ne lisais pas, je vais lire les commentaires ici, ça paraît. Donc, s'il y a même question dans les commentaires, je peux répondre à ça. Je pense que ça serait bien comme ça. Merci. On est là, qu'on est là. Si ça coupe, ça coupe. Si ça coupe pas, je suis là. Donc, quand je finis, je dors. Je vais dormir comme un bébé. Donc, demain, je ne bosse pas. J'ai déjà désactivé les réveils. Donc, je suis là. Salut, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et vous? Que Dieu te bénisse. God bless you too. Tu lis les commentaires? Oui, je lis maintenant. Aussi, à toi. Tu es ma belle, tu es mon beau. Tu parles de qui? Je parle de moi. Salut tonton. Oui, salut tantine. Ok, guys. Ok, tu parles de qui, je saurais, parce que je rigole ça en même temps quand je dis salut, tant c'est pas grave, c'est plus juste pour rigoler. Je parle de mon père. Mon père qui est né en 1944, il est mort en 1970. Donc, c'est les histoires anciennes, quoi. Mais c'est juste qu'il y a son nom que quelques personnes connaissent, pas les gens d'aujourd'hui, bien sûr, les gens d'anciens temps. Parce qu'il faisait de la musique aussi. Ok, il y a quelques points. Ces guerres avec un joueur de football de l'époque, Jean Kembo. Je vais essayer un peu de parler aussi. Ces guerres avec Jean Kembo. Et sa relation aussi avec une dame qui était vraiment comme une femme que beaucoup connaissaient, moi comme moi, sa compagne vraiment reconnue, qui s'appelait Lucie. Donc il y a ça quoi. Bon, guys, comme on dit, en attendant pour ne pas sa coupe, je dis, on dit quoi? Et c'est quoi les termes qui disent là? Tapoter, bonjour, je vais charger mon verre, après me soulager un peu. Very sorry. After do that. Je viens de faire ça. Quelle heure maintenant? 2h44. J'ai juste fait une heure parce que j'ai commencé à une heure juste. Même pas encore 2h, j'ai commencé à une heure juste. Donc, je suis là quoi. Donc, s'il y a une question, je peux répondre, comme je dis. Ne vous sentez pas dérangé, même si ça concerne des choses spirituelles. Si je peux répondre, je réponds. Si je ne peux pas, on parle. Donc, il ne faut pas penser que non, si vous posez une question, ça va soit me déranger. Il n'y a rien qui va me déranger, les gars. On est ensemble. On est ensemble. Parce que je parle de lui, pourquoi? Parce que j'avais vu, je pense qu'il y a même pas une semaine, il y a quelques jours passés là, quelqu'un avait mis une publication sur TikTok sur lui. C'est quoi ça encore, YouTube là? YouTube, salut. En forme, tonton, oui, ça va. C'est qui là? Mesier, par contre, faut apprendre à lire les commentaires, oui. Oui, je suis là. Mais les commentaires, les je lis, je ne vois pas de questions, donc je dois répondre quoi? Ce n'est pas question, please, mais. Je ne sais pas si c'est YouTube, je peux faire descendre sur les commentaires. Ou attends, wait, after, je dois mettre YouTube aussi ici. C'est pareil. Sorry. Je pense aujourd'hui, c'est la première fois que je vais essayer de faire comme ça. Et on va évoluer comme ça. Mais par contre, pour bavoir, ce qui est pour aujourd'hui. Quand je reviens, next time, ça sera que pour la parole de Dieu, on va parler de l'évangile. Et parce que moi, c'est l'évangile que j'aime parler. Les choses de Dieu. Ce qui est spirituel, bien sûr. Donc, on va essayer d'aller comme ça, les gars. Attends, je vais essayer d'enlever TikTok ici. Je mets... This people. Les amis, je suis là. S'il y a question, je suis là. S'il y a question, je suis là. Donc, on parle. Même jusqu'à... Les 2h46, même jusqu'à 4h du matin, je peux être resté là. Parce que je sens que non. Vous savez, moi, même moi-même, des fois, je ne comprends pas. Lorsque je reviens du boulot, je peux être fatigué vers 16h, 17h, 18h. Trop fatigué. Il faut que je profite pour monter vite au lit, dormir et me réveiller directement à 4h du matin. Mais lorsque je ne monte pas au lit directement, lorsqu'on arrive, quand le sommeil commence à me déranger, 16h, 17h, 18h, je ne monte pas au lit. Lorsqu'on arrive maintenant vers 21h, 22h, je commence maintenant à monter au lit, chercher à dormir. C'est là où je dors un peu, juste des petits sommeils, je dors un peu, je me réveille. Et 4h, c'est fini. Et là, maintenant, comme j'ai dépassé 2h du matin, je n'ai pas dormi, je serai là avec vous. Je vais charger mon verre. J'ai ma bouteille de l'eau ici. C'est de l'eau. Et là, c'est quelque chose. Vous comprenez, c'est quelque chose à boire. Donc, je peux rester avec vous, là. C'est pour ça que ça serait mieux si vous avez quelques petites questions. Comme ça, on peut évoluer ensemble et on partage. C'est comme ça, les amis, vous comprenez? Et on parle. Donc, je dis là, maintenant, je dois parler des... Ces guerres avec un joueur de l'époque, Jean Kembo. Parler aussi un peu d'une dame qui était sa compagne, Lucie, que tout le monde connaissait. Je pense que Lucie, là, elle est morte. Je ne sais pas, 97 ou 98, je ne sais pas. Elle est morte, 97 ou 98. Mais je vais essayer un peu de parler de ces deux personnes-là, Lucie et Kembo. Mais comme je dis, je vais d'abord. Sorry, with YouTube. YouTube, s'il y a des questions, je vous lis, je vous regarde, je vous écoute. TikTok, pareillement. Comme je dis, j'ai commandé quelques trépieds pour poser aussi Facebook là et Insta. Donc pour next week. Donc, je suis là quoi. Je vois qu'il n'y a pas de questions, mais je vois seulement invité. Je sais pas quoi, il y a des noms, je sais pas, il y a des noms qui viennent, qui n'ont pour monter ce TikTok-là, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Je vais cliquer inviter. Moi, je peux inviter quelqu'un pour monter, non? Salut. Nzambende Elombenangaye, Kolonde Elombenangaye, Bunderangaye, combat pour moi. Combat pour moi, Jéhovah. Yonde Elombenangaye. Elombenangaye, c'est de quoi? Toi qui es mon voyant. Hein? Donc, combat pour moi. C'est mon voyant. Je suis là, les amis, je parle de Bavo Marie-Marie. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller sur Google, taper Bavo Marie-Marie. Vous aurez un peu aperçu, comprendre un peu de qui je parle, qui il était. C'était un jeune homme congolais de Né-Congo. La ville de Kinshasa, né en 1944, mort en 1970, 70, 26 ans de vie sur Terre. Mais il a quand même réussi à faire un petit parcours où il avait laissé ses empreintes qui est resté dans l'histoire. Et c'est ça la vie. Et ventre qu'il souffre. YouTube, là, je ne sais pas comment faire avec. Non, je suis là, je parle de lui. J'ai déjà parlé un peu. Expliqué un peu qui il était, faisait de la musique. Et après, il est mort. Donc, c'est ça. Bon, je pense que je serai obligé de commencer à faire tous les jours. Je vais essayer de le faire, bon, pas tous les jours, mais c'est parce que je travaille aussi, donc de temps en temps. Pour partager avec vous, parler avec vous de temps en temps aussi. Donc je suis là. Je suis là, les amis. S'il n'y a rien, on va passer à l'évangile. Ça, au moins, j'aime bien trop même. Et l'évangile c'est quoi ça? Et l'évangile C'est pour que j'explique les choses que je connais. Qui peut vous aider aussi. Les amis, je suis là. Comme je disais, même encore une heure devant vous. C'est possible. Je vois pas notre son. Ok, guys. Je suis là, on est là. Je ne sais pas si vous êtes à quelle ville. Moi, je suis à Bruxelles. Moi, je suis là à Bruxelles, les amis. Changer mon histoire, changer mon histoire, changer mon histoire. Changer mon histoire. There's no question. Il n'y a pas de question. C'est que there's not old man, il n'y a pas de vieux. Bon, je disais par rapport à ses relations avec la dame que j'avais dit Lucie. Les amis de la vie, des fois, je parle à des jeunes dames ou à des dames qui me suivent. Des fois, vous devez faire attention avec plusieurs relations. Dans le sens que vous pouvez sortir avec quelqu'un et vous tombez enceinte et vous prenez cette grossesse-là, vous attribuez ça à quelqu'un d'autre. Ou soit, vous ne savez pas c'est qui le responsable de votre grossesse. Du coup, vous tâtonnez, soit c'est lui ou c'est l'autre. Vous allez là, à gauche ou à droite. Ça peut créer aussi des problèmes. Maintenant, je reviens moi-même par rapport à comme je dis, à cette dame-là. Leur vie, nous, on n'était pas encore nés. Lorsqu'ils faisaient leur vie, moi qui vous parle, j'ai 54 ans. 54 ans, les amis. Toi qui me suives, tu as peut-être 10 ans, sorry. Toi qui me suives, tu as peut-être 15, sorry, ou 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Mais ces personnes-là que je vous parle sont des gens qui ont vécu dans les années 60, vous comprenez? Les années 60. C'est un peu comme des jeunes qu'on voit aujourd'hui, des belles filles, des bels hommes, c'est pareil comme ces gens-là aussi. Parce que moi, j'ai vu cette dame-là, ici, en 1985, je dis bien 1985, où moi je l'ai vu. J'ai vu cette dame-là dans mes yeux, une très belle femme. Une très très belle femme. Une maman, vous comprenez? C'est 85, moi j'avais déjà 15 ans. Et j'avais vu pourquoi et comment. On était chez nous, à la maison. Les gens venaient parce que nous, lorsqu'on était jeunes, on grandissait. Avant que je vienne en Europe, bien sûr, lorsqu'on était trop petit, jeunes, ados, tout ça, il y avait des gens qui venaient, trop de monde qui venait, pour la famille, bien sûr. Et des gens qu'on connaissait, même des gens qu'on ne connaissait pas. Et on vivait comme ça avec. Et lorsque cette femme-là est venue un jour à la maison, était venue avec, je dis lorsque cette femme-là était venue chez nous, en 1985, le mois précisément, je ne sais plus, mais était venue avec une jeune fille aussi, de mon âge, qui pouvait avoir soit un an de plus que moi, la fille pouvait avoir soit un an de, plus que moi, ils sont venus à la maison. La dame avait parlé avec ma grand-mère. Ils ont parlé, je pense qu'il y avait aussi des tantes. Ils ont parlé, parlé. Après, nous aussi on a parlé, elle nous a parlé aussi un peu comme ça. Puis elle est partie, ou elles sont parties. Et on s'était familiarisé avec la jeune fille. Juste vite comme ça, quoi, vous voyez. Et puis c'est fini, ils sont partis. Maintenant, comme c'est la famille, il faut alors rester nous-mêmes. Lorsqu'on restait nous-mêmes, des fois, on nous racontait aussi cette personne était venue pour ça, ça, ça. Celle-là était venue pour ça, ça, ça. Et on nous a dit que ces dames-là, c'était une copine ou l'une des copines de Bavon, mais c'était vraiment elle qui Bavon tenait comme femme. Elle a eu des enfants avec plusieurs femmes. Hein? Quand je dis femmes, c'est de belles femmes, de jeunes filles de l'époque. C'était des jeunes. Ma mère était une métisse. Mais on nous a dit que non, ma voix tenait plus à celle-là, Lissi, qui était venue en 1985 chez nous à la maison pour nous rendre visite. Et on s'est familiarisé avec sa fille juste ces jours-là. Après, ils sont partis et ils nous ont invités. On a commencé à partir les rendre visite chez eux, chez elle, Lingwala. De temps en temps aussi, on faisait ça. Mais le problème, c'est quoi? Elle était venue pourquoi? Parce que ce qu'on nous a raconté, que elle était la copine de Bavon Marie-Marie. Mais souvent, ils avaient traité des problèmes aussi. Parce que c'était tous des jeunes. Et ça fait que lorsqu'elle était tombée maintenant enceinte de Bavon, la fille ou la dame, elle a donné cette grossesse à ces joueurs de football-là, comme je dis, Jean Kembo. Elle a dit que non, la grossesse était à Jean Kembo. Donc pour dire que non, elle sortait avec tous les deux. On dit ça comme ça. Elle a dit que la grossesse, c'est pour Jean Kembo. Et maintenant, lorsqu'elle était venue chez nous, c'est qu'elle était venue raconter à la famille de Bavon, donc à la maman de Bavon et à nos tantes, comme quoi que Bavon l'avait maudit juste parce que elle avait dit que la grossesse n'était pas à lui. Qu'elle avait donné cette grossesse à une autre personne. Que sur ce, tu n'auras plus d'enfants toute ta vie. Et chose qui s'était faite, c'est pour ça qu'elle était venue implorer à la famille de l'aider, d'enlever cette malédiction-là. Et ça n'a pas marché. Je ne sais pas s'ils avaient fait ça comment, ça je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Donc, je sais que cette dame-là est morte, je pense 97 ou 98, mais elle avait eu seulement cette fille-là, son enfant-là, un enfant seulement. Mais elle avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est comme ça. C'est comme si maintenant tu ramènes, 15 ans après, tu ramènes l'enfant dans une autre famille pour dire que non, c'est votre enfant. Vous comprenez? C'est ça des choses qui se passent dans le monde tout le temps. C'est pour ça que je dis, si vous regardez des vidéos, j'avais fait 2022, janvier 2022, je pense, j'avais fait 4 vidéos où j'expliquais tout ça. Mais comme je dis, il n'y a pas mon visage, j'avais juste mis des photos de quelques filles comme ça que je connaissais, ou je connais, et je parlais maintenant derrière les photos, où j'avais expliqué bien sa naissance, sa vie, ses enfants, et ses droits d'auteur aussi en tant qu'artiste et musicien. Vous comprenez? Donc bref, la dame, là, Lissi, n'a pas eu des autres enfants. Elle est morte comme ça. Donc, avec tout son argent Et l'enfant aussi qui avait ramené pour se familiariser avec nous, malgré qu'on allait la voir, mais ça n'a pas maintenu, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est parti comme ça. Comme je dis souvent, il y a des vidéos que j'avais fait, des vidéos qui sont sur YouTube, où je ne comprends pas. Des femmes qui font des enfants avec des hommes, et vous cachez ces enfants-là, ou vous les privez de leur papa biologique. Pendant plusieurs années, on ne sait pas pourquoi. Comprenez? Donc, comme je dis, j'ai expliqué tout ça pour Bafo Marie-Marie sur YouTube en 2020, en 2022. Que nous, on grandissait là, on était là, calme. Hein? Et de temps en temps, pas de temps en temps quoi, donc c'est arrivé quelques années après, vous allez voir que non, on va vous ramener un enfant, c'est son enfant. On va vous ramener un enfant. Donc même 5 ans après, on vous ramène quelqu'un, c'est son enfant. 12 ans après sa mort, je sais pas, 15 ans après sa mort, et c'est que nous, on se disait, mais c'est quoi ça? Est-ce que ces enfants-là, ils étaient nés dans quel pays, dans les autres pays? Ou seulement ici à Kinshasa. Vous comprenez? Ce sont des choses, des fois même, qu'on a même fini d'en parler il n'y a pas longtemps. Vous voyez? On est déjà devenu des vieux, on a fini d'en parler il n'y a pas longtemps. Dans le sens que non, des fois perso, je me mettais au niveau de la galère de l'Afrique. Au niveau de la galère de l'Afrique. Dans le sens qu'il y a des familles ou des personnes qu'on connaît qui peuvent connaître votre famille et étudier bien votre famille, ils savent que non, comment ils peuvent prendre un enfant quelque part et le faire le moral pour l'introduire dans votre famille pour dire que non, un des vôtres. Comme les gens viennent faire les demandes d'asile, quoi. C'est un peu comme ça, vous voyez. Juste parce que l'Afrique, là, les gens souffrent. C'est comme ça. Et ça passe. Ça passe. Quelqu'un peut venir chez vous, il se fait passer pour quelqu'un de vôtre, et avec pitié, vous voulez l'accepter, et il va être avec vous. Et il va fonctionner avec vous. Mais c'est juste un infiltré. Vous comprenez? Et c'est ça l'Afrique. Donc, bref. Cette femme-là, elle est venue avec son enfant, qui en même temps l'enfant, sa fille, il a ramené la femme, la fille, 15 ans après la mort du monsieur, qui est l'enfant de Bavon. Mais pendant tout ce temps, l'enfant, c'était l'enfant de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, c'est ça, jouer avec la vie des enfants des gens. Donc, c'est pas bien. OK. Et comme ces gens-là tournaient tous ensemble, ils avaient tout le temps des problèmes, des guerres de gauche à droite. Et ces mêmes joueurs de foot-là, de football-là, par après, il a eu même un enfant aussi avec ma mère. Pour dire que non, leur jeunesse, c'était seulement comme ça. Elle quitte celle-là, elle va chez l'autre. Elle quitte l'autre là, elle va chez l'autre. Donc ça tournait seulement là. Donc pour dire que non, lorsque Bavon maintenant est mort, comme je dis ma mère, un an après ou quelques mois après, dans l'année 91, non, sorry. 71, elle a eu maintenant mon petit frère, qui est le dernier des bavons, à la maison même. Pourquoi la maison? Parce qu'elle avait les jambes fracturées. Donc, elle ne sortait pas, elle était à la maison, jusqu'à ce que ses jambes s'étaient rétablies. Et après, elle a commencé à marcher normal. Et en 73 ou 73, elle a eu un enfant avec Kembo, ma mère. Elle a eu un enfant avec Kembo, donc qui est ma petite sœur, Karine, pour ceux qui le connaissent, Karine. Donc, d'autres l'appellent Yajoli, Wana Bongo Banakini, de l'époque. Donc, c'est ça, quoi. Et c'est comme ça, la vie. Et comme j'avais dit, ou comme j'ai dit, donc ma mère, après un an, les jambes qui étaient fracturées, elle avait des plâtres. Et après, ils avaient enlevé les plâtres. Elle a recommencé à marcher. Comme c'est une jeune fille métisse et puis courageuse, elle a refait sa vie. Elle a commencé sa vie, elle a refait sa vie, continué sa vie, fait des affaires. Elle a eu des enfants, fait des business, des commerces. Elle a fait tout, quoi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, pendant ce temps, c'est quelqu'un d'autre maintenant qui s'est fait passer pour elle, pour réclamer tout le temps comme quoi que une autre dame, bien sûr, que c'est elle qui était avec Bavon dans la voiture lors de l'accident, tandis que c'était faux. Et après, nous, on nous a appris que cette femme-là, qui circulait la ville de Kinshasa de gauche à droite, elle avait ou elle mentait comme ça, juste pour recevoir de l'argent de gauche à droite, et surtout pour permettre de traverser aussi gratuitement à Beach Ngobila, parce qu'elle allait aussi, parce qu'on recevait beaucoup d'informations des gens de gauche à droite qui nous ramenaient concernant cette femme-là, mais la famille disait tout le temps de ne pas la déranger, qu'elle traversait jusqu'à Brazzaville pour chercher l'argent jusqu'à Brazzaville, toujours au nom de la femme de Bavon Marie-Marie, qui était de la voiture lors de l'accident, hors que c'était faux. Parce que c'était ma mère, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était ma mère qui était de la voiture. Et ma mère, par après, comme je dis, elle a fait sa vie, elle a eu en 1973, donc 73, un enfant avec Kembo, après c'est fini. Après 74, elle était ici à Bruxelles. Quelques temps après les histoires d'Ali et Foreman, elle a voyagé un peu partout de gauche à droite. Lorsqu'elle s'est bien rétablie, elle a voyagé un peu de gauche à droite. Après, elle est retournée en Afrique, à Kinshasa, pour faire ses affaires, faire ses business. Et elle est restée en Afrique, juste tournée de gauche à droite en Afrique, jusqu'à mourir en décembre 2014. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, concernant la musique de Bavon Marie-Marie, et moi, et vous, quand je dis vous, ceux qui ont déjà écouté ces musiques, c'est pareil, on écoute ça pareil. Moi, à part comme on écoutait il y a longtemps, dans les temps anciens, les musiques qui jouaient soit à la maison ou dans des coins de gauche à droite, c'est comme ça. Ou comme maintenant, on peut écouter depuis 2006 sur YouTube, on écoute comme ça. C'est qui les vend? On ne sait pas. C'est qui les publie? Je ne sais pas. J'ai une fois fait les démarches en 2012 pour poursuivre tous ces gens-là. Mais j'ai vu que ça va me prendre du temps et de l'argent, j'ai laissé. Et je me suis dit aussi, comme la famille disait tout le temps, de laisser ceux qui veulent manger, qu'ils mangent. Pour leur bien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec. Donc pour dire que nous, ou moi, en tant que son fils, ses enfants, sa musique, depuis qu'il est mort, le 5 août 1970, 1970, on n'a jamais reçu même un centime à son nom. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Jamais touché. Ni droit d'auteur, ni droit de qui que ce soit, rien. Jamais. Donc, j'ai été une fois ici à Bruxelles, ici, là où, à côté de... à Trône, ça peut être Trône, Métrotrône, tout ça, près de la loge à côté là-bas, me renseigner comment ça fonctionne avec son nom. Ils ont dit que, comme lui, il a évolué plus là-bas en Afrique, il était inscrit là-bas en Afrique, donc ses histoires de droits, c'est là-bas en Afrique. Donc il faut voir ça là-bas. Et comme on connaissait les histoires en Afrique, comment ça fonctionne, moi-même j'avais dit laisse tomber. Donc le seul moyen pour faire, c'est poursuivre les gens. Et mais poursuivre les gens, donc, devant les juges, la justice, ça ne va servir à rien parce que c'est des histoires anciennes. C'est juste des histoires anciennes. Et ma décision, c'était que on laisse ça comme ça et ça reste comme ça. Ceux qui ont eu, après sa mort, à utiliser ses droits que Dieu soit glorifié ou ceux qui ont eu après sa mort à vendre ses droits à qui que ce soit que Dieu aussi soit avec eux. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, bref, jamais il reçut un euro à son nom, jamais, jamais de la vie. Et c'est parti comme ça. Donc, on vit. Donc, je ne vais pas commencer à perdre mon argent, pour aller payer le tribunal pour poursuivre des personnes qui n'ont rien déjà, où je ne vais rien gagner parce qu'ils sont des vieilles musiques. Donc, c'est ça quoi. Si peut-être les gens ont eu à manger l'argent en son nom, soit peut-être vers les années 70, après sa mort. Vous comprenez? Juste après sa mort, lorsque c'est encore leur époque. Donc là, les gens ont eu à manger à son nom, ont eu à recevoir ses droits, les droits à son nom. Mais lorsqu'on est rentré vers les années 80, ça commençait déjà à partir, vous voyez ce que je dis? Donc c'est fini, quoi. Et maintenant, c'est fini, c'est resté juste l'histoire. C'est l'histoire qui ne change pas. That's all. Ok, les amis. Comme je dis, je suis là. Atteint, il se va. Nasilisi, j'ai fini. Torobisu nini. Kunabasu nini. Que dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire encore? Je suis là. Pas de questions. Il n'y a rien. Demain soir, on va parler de l'évangile. Demain, on va parler de l'évangile. Donc là, je suis là avec vous. C'était pour parler de mon père. J'ai parlé, j'ai fini. Donc, s'il y a des points peut-être où vous voulez savoir, soit sur YouTube, Chantal Bandoukou. J'ai vu un nom, Chantal Bandoukou. Bonjour. Il y a des noms qui défilent. Moi, la personne que je voulais, où je voulais vraiment m'aider dans ce live-là, c'était un ami que j'ai vu hier sur TikTok. Lui, on a grandi ensemble. C'est un frère, c'est un grand frère. C'est un frère, c'est un ami. On a grandi ensemble dans le quartier. Mon prise, je sais bon quoi. Il nous a eu besoin, je ne sais pas si tu dors, sur là, les sur ça, puis mon sous sur yo. Non, c'est lui que j'avais besoin. Ok les amis, je suis là. Je n'ai pas de question. Même question de l'évangile, parler. Là, ça va même aller encore mieux. Si on peut parler de Dieu, ça va aller mieux. Parce que moi, je ne vois pas comment ça parlait comme ça. Là, j'ai fait pour mon père, j'ai fini, c'est bon. Pour l'évangile, je peux prendre des notes ici, commencer à lire, oui. Prendre la Bible et commencer à lire la Bible, oui. Ça, je peux le faire, oui. Mais en aucun cas, je ne peux pas commencer à vous parler comme ça de Dieu. Bêtement comme ça, quoi. Non. Si je veux vous parler de Dieu, c'est, je peux lire mes notes, lisez la Bible, et vous vérifiez des Bibles chez vous, vous vérifiez vos Bibles, et nous avançons ensemble. Ça, j'aime bien. Pourquoi? Parce que, comme je dis, la vie chrétienne, nous devons toujours grandir, tous les jours faire un pas de plus dans les choses de Dieu, un pas de plus dans les domaines spirituels, découvrir de nouvelles choses, la spiritualité, recevoir de nouvelles connaissances, acquérir de nouvelles connaissances. Comprenez? Parce que les choses de Dieu, ça évolue. Il y a des choses que je connais aujourd'hui. Demain, je peux connaître encore des autres choses qui doivent remplacer ce que je connais aujourd'hui. Comprenez? C'est comme une porte. C'est comme une porte où tu as mis la peinture. Et cette peinture-là, c'est trop bien. Tu aimes ça. C'est trop beau. Mais demain, tu vas encore mettre une autre couche encore de la peinture. Qui sera encore mieux. Et après, demain, tu rajoutes encore une autre couche. C'est comme ça l'évangile. C'est pas alléluia et amen, alléluia et amen. C'est ce soir, alléluia, amen. Tout le monde peut le faire, je dis tout à l'heure là. Tout le monde peut le faire, on peut le faire. Mais c'est lorsque on est vraiment dans des lieux qu'on peut le faire ou qu'il faut le faire. Devant des gens, devant des foules. Comprenez? Pas devant mon téléphone. Bon, ça peut arriver, je ne sais pas. Ça peut arriver. Mais je préfère plutôt que vous lisez la parole, que vous méditez la parole, vous comprenez la parole, et lorsque vous arrivez à comprendre la parole, cette parole-là doit commencer maintenant à quitter le niveau de la compréhension d'intellect pour se familiariser avec toi et devenir un avec cette parole. Et lorsque ça devient un avec toi, donc, quand tu parles, tu es dedans. Tu vis, tu es dedans. Parce que tu es devenu un avec. C'est pour cela que la Bible dit que sa bouche sort. Que ça, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et non de ton sac. Et non de ton armoire, mais de ta bouche. Donc, tu dois faire de sorte que quand tu parles, que toi et la parole, vous êtes devenus un. Donc quand tu parles des choses qui est avec toi. Et ces choses-là, c'est la parole. Et la Bible dit que au commencement était la parole. Et cette parole s'était faite chair. Et lorsque cette parole s'est faite chair, est venue habiter parmi nous. Et lorsque tu le reçois, toi aussi tu deviens comme lui. Et quand tu deviens comme lui, tu deviens un avec lui. Donc toi aussi tu deviens la parole. Parce que tu t'es familiarisé avec cette parole. Et lorsque tu commences à te familiariser avec cette parole, les mauvais esprits, c'est eux-mêmes qui vont commencer à quitter là où toi tu y es. Parce qu'ils voient la parole. Ils ne voient pas toi. Ils voient que tu es un avec la parole. Si tu es en moi et que ma parole demeure en toi, donc tu es devenu un avec cette parole-là. Donc tu te synchronises avec cette parole. Quand tu marches, c'est la parole qui marche avec toi. Les mauvais esprits vont commencer à quitter d'eux-mêmes, sans que tu les chasses. Comme j'aime toujours dire aux gens, quand toi tu chasses les esprits, c'est dans la vie des autres que tu vas chasser. Pas dans ta vie. Voici les miracles que j'ai, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru au nom de notre Maître et Seigneur Christ Jésus. Vous chasserez les démons dans la vie des autres, pas dans votre vie. Ce que les gens ne comprennent pas. Vous allez chasser les démons dans la vie des autres. Pourquoi dans la vie des autres? Parce que vous êtes devenu un avec la parole. Donc, les esprits mauvais vont commencer à fuir votre présence, comme le fou de Gadara. Ce n'est pas vous. Oh my God. Ce n'est pas à vous à combattre contre les esprits. Non. En tant que qui, toi, tu vas te combattre avec les esprits. Non. La Bible dit, Éphésiens chapitre 6, verset 10, tu descends, même à partir du verset 13. Et voici les armes que tu dois te revêtir. Il te cite les armes qu'il faut se revêtir pour défendre ta vie contre les ruses de l'ennemi. C'est la parole. C'est la fermeté. C'est les ailes de l'évangile. Pour dire que ce n'est pas chassé. Parce que ta vie là, ce n'est pas chassé. Ta vie, c'est être ferme. Que c'est moi qui porte l'évangile. C'est moi qui transporte la présence de Dieu. C'est moi qui est un avec le Saint-Esprit. C'est moi qui est le temple de l'Esprit. Donc je suis un avec le Créateur. L'Esprit de Christ habite en moi. L'Esprit qui avait resté le Christ d'entre les morts habite en moi. Alors, si l'Esprit qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, ce même esprit-là donne la force à tout ton être, corps, âme et esprit. Parce que tu es devenu un seul esprit avec le Créateur. Tu te synchronises avec lui. Lorsque tu parles, tu chasses, c'est pour la vie des autres. Ils ne sont pas encore familiarisés avec la parole. Maintenant, les bébés spirituels. Les bébés spirituels qui aiment bien les titres de pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, machin, tous ces titres-là qu'ils aiment bien. Et ils vont te dire que non, il faut chasser les démons, chasser chez qui? Vous comprenez? Ils vous disent de chasser, mais ils ne vous expliquent pas. Non. Parce que si tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu une nouvelle créature. Donc, en devenant une nouvelle créature, tu es devenu le temple du Saint-Esprit. En devenant le temple du Saint-Esprit, tu es devenu un avec lui, l'Esprit, et avec le Maître. Donc, son Esprit maintenant habite en toi. Et comme son Esprit habite en toi, les mauvais esprits ne peuvent pas habiter là. Ils doivent quitter. Et maintenant, comme tu es rempli maintenant de l'Esprit du Créateur, ta mission, c'est chasser les mauvais esprits dans la vie des autres. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est simple, simple l'Évangile. Les choses de Dieu, il faut juste chercher à les comprendre. Il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Les choses de Dieu, il faut juste aimer ça et chercher à comprendre. Lorsque tu ne comprends pas, il faut poser des questions. Et lorsque ton pasteur n'arrive pas à expliquer, posez ça des questions chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que peut-être lui aussi, c'est un bébé spirituel. Tout à l'heure, j'avais dit que 80% de ceux qui remplissent TikTok là avec l'Évangile sont des bébés spirituels. Je ne dis pas 100%, je dis 80%. Ce sont des bébés spirituels. Et être bébé spirituel, vous pouvez avoir une église de 1000 membres. Vous êtes un bébé spirituel. Pourquoi? Parce que ils viennent comme des mouches, les fidèles. Ils viennent parce qu'ils voient que non, tu fais des choses qu'ils veulent que tu fasses. Ou tu les amènes, ou tu les diriges de la manière où eux aussi veulent qu'ils soient dirigés. Vous comprenez? Mais la parole, il faut s'asseoir et prendre stylo et cahier, commencer à noter l'ABC de l'Évangile. C'est comme ça. Comment fonctionner? Comment vivre? Comment marcher? Comment éviter les mauvais esprits? Maintenant, si toi, tu sais comment éviter les mauvais esprits, gloire à Dieu. Alors, lorsque maintenant, tu sais comment éviter les mauvais esprits, donc, ils n'auront plus accès à toi. Alors, si les mauvais esprits n'ont plus accès à toi, ce bébé spirituel des pasteurs-là, il viendra maintenant, il va commencer à te parler de tes ancêtres. Non, tu vois, dans ta famille, hein, avant même que toi, tu puisses être né, avant même que tes parents soient nés, il y avait ça. Oh. Oui, il y avait ça. Oui. Il y avait ça dans ma famille. Oui. Mais parce que ma famille, c'est encore des païens. Parce que moi aussi, je suis encore païen. Mais maintenant, je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et lorsqu'on parle d'une nouvelle créature, donc quelqu'un qui n'a jamais existé. Je ne suis plus celui qui était d'Adam et Ève. Cet homme-là qui est né d'Adam et Ève, il est déjà mort. Il est parti à la montée, mort à la croix. Il s'est fait à la croix. Maintenant, je suis né de nouveau. C'est en esprit. Je suis né de nouveau. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je suis maintenant une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai une nouvelle vie. Une nouvelle façon de voir les choses. Je ne vois pas les choses comme dans l'ancien temps. Si mes ancêtres étaient liés, ça c'était ancien temps. Ça c'était leur vie. Ils n'étaient pas en Christ. Mais maintenant, moi je suis en Christ. Et Paul dit encore, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais qui est en Christ? Mais c'est moi. Frère, c'est toi qui es en Christ. Ma sœur, c'est toi qui es en Christ. Donc il n'y a pas de condamnation pour toi. Si quelqu'un te ramène des condamnations de tes ancêtres là, avant que toi tu puisses naître, c'est que il fait que tu restes toujours captif à son système là, où il va toujours te manipuler. Il ne veut pas que tu sois libre. Mais si réellement Christ est en toi, tu es libre. Tu es libre. La Bible dit que non, si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Donc si tu es affranchi, si l'Esprit de Dieu vient en toi, habiter en toi, tu es devenu libre. Tu es devenu une nouvelle créature. Maintenant, vis une nouvelle vie. Cette nouvelle vie-là, sois ferme. Comment être ferme? Prends la parole de Dieu, Éphésiens chapitre 6. Lis à partir de verset 13. C'est ça les armes que tu dois mettre en toi. Les armes, ce n'est pas dit, oh, épée, mopanga, le terme que vous utilisez, ça là. Yo, t'as vu ça où là? T'as vu ça là où là? Oh, les flèches. Non. Oh, David avait lancé Pierre. Oh, David n'était pas chrétien, les gars. David n'était pas chrétien. David était avec Dieu. Oui, Moïse était avec Dieu. Oui. Élie, Jérémie, ils étaient avec Dieu. Oui. Nous avons tous le même Dieu. Un seul Dieu, le Créateur. Mais et, ils n'étaient pas des chrétiens. C'est, il y a des choses que nous devons faire la différence. Nous sommes en Christ. Lorsque le Créateur nous voit, il nous voit en Christ. Je ne sais pas si toi, on te voit dehors. Alors, il faut rentrer dedans. Non, on va maintenant chercher la présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous sommes en lui. Nous sommes en lui, nous vivons en lui. Nous marchons en lui. Donc, Dieu nous voit en lui. Donc, il faut demeurer en lui. Vivre. Ah, my God. Les choses de Dieu. C'est pour ça que je dis. Hein? Ce système-là qui sont là à crier bêtement là, parce qu'il ne sait pas où il faut crier, pourquoi il faut crier. Nous tous, on peut crier, on sait comment crier, mais on sait où il faut crier, comment il faut crier, pourquoi il faut crier. Il faut d'abord mettre la parole en toi. Et que cette parole doit prendre place dans ton cœur. Et quand cette parole va prendre place dans ton cœur, toi-même tu vas comprendre. Non. Tu n'es plus l'ancienne personne. Tu n'es plus l'ancienne personne. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. Non, parce que tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Non. Mais tu es ce que la parole dit que tu es maintenant. Tu es un enfant de Dieu. Tu es le représentant de Christ partout où tu passes. De Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons fonction d'ambassadeur partout où nous passons. C'est comme si c'est Dieu qui parle au travers de nous. C'est par toi que le maître parle. C'est par ta bouche. Regarde. Si c'est par toi que le maître parle, tu dois changer ton langage. Tu dois faire attention. Je dis faire attention. Même apôtre, prophète, peu importe, tu dois faire attention parce que c'est un humain comme toi. Attache-toi à la parole. Mes amis, on va commencer ensemble. On va commencer ensemble à étudier la parole de Dieu. On commence ensemble à étudier la parole de Dieu et à balayer ce qu'il faut balayer. À balayer. Balayer. Au nom de maintenant, on va chasser. Oui, on peut chasser, ce n'est pas mauvais, on peut chasser les esprits qui dérangent autour de nous, qui viennent nous attaquer, qui viennent. Oui, on peut chasser, oui. Mais sachez-le aussi. Lorsque tu cherches à te remplir toi-même, la puissance du Saint-Esprit, tu n'auras plus besoin de chasser. Ça sera comme le fou de Gadara. Les mauvais esprits, ils viennent, ils vont. Je ne peux pas rester dans cette maison parce qu'ici, il y a une forte puissance de Dieu. Je ne peux pas rester à cette maison parce qu'ici, je sens que dans cette personne, cette femme, ou cette fille, ce garçon, la manière qu'ils se remplissent de la présence de Dieu, je ne peux pas rester ici, sinon je serai brûlé. C'est comme ça. Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Parce que tu dois te charger. Tu dois te charger la puissance du Saint-Esprit en toi. Comment se charger? Comment se charger? C'est simple. Toi-même, sans dire à personne, tu fais des programmes de jeûne et prière. Jeûne et prière, toi-même, ce sont des programmes personnels qui t'aident à se charger de la puissance du Saint-Esprit. C'est comme nous charger nos téléphones là. C'est simple. Tu le fais toi-même. Tu prends des moments où tu n'as rien à faire, des fois tu fermes les appareils, tu commences à lire la Bible. Tu commences à lire la Bible, tu pries, tu lis la Bible, tu pries. Des fois tu vas sur YouTube, il y a des prédications où tu peux écouter, qui va t'aider aussi à grandir spirituellement. Pardon. Avoir l'habitude d'écrire, de chercher des prédications pour la croissance spirituelle. Qui va t'aider à grandir spirituellement. Comment avancer avec Dieu. Ne cherche pas les justes à chasser les démons. Non, il ne faut pas chercher ça. Parce que si tu cherches les justes à chasser les démons, c'est comme si toi tu ne veux pas grandir. Tu veux rester là avec les démons. Mais si toi tu commences à chercher à grandir, c'est les démons qui vont commencer à te chercher. Et ils vont voir que celui-là, ou celle-là, il avance vite. On laisse tomber. On ne peut plus rien faire dans sa vie. Il avance vite. Il cherche son Dieu. Et il continue avec son Dieu. Oui. Donc toi, tu vas vers Dieu, c'est les démons qui vont te chercher. Et vont voir que non, toi, tu continues avec Dieu. Les démons viendront te chercher. Ils viendront chercher à te faire tomber. Mais toi, tu don't care. Tu ne les calcules même pas. Tu avances. Dans tes programmes de jeûne et prière. Même par jour, même 30 minutes de prière, même 10 minutes de prière par jour. Et quand tu mets un peu, tu vas voir l'avenir, ça. Ça va commencer à s'augmenter tout seul, sans que tu forces. On ne force pas la prière. Tu fais un peu tous les jours. Tu dis, ça va, ok, je ne mange pas pendant 6h, 18h. Je vais méditer, faire la prière, écouter la musique, l'adoration, la louange, des choses comme ça. Tu avances. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça. Tu vas à l'église, oui, pour écouter la prédication, mais tu dois avoir tes propres programmes personnels. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Et tu verras que non. Ta mode de vie va commencer à changer sans forcer. Il y a des choses qui vont commencer à se lâcher sans forcer. Tu vas changer de vie simple, de la facilité. Ta vie va commencer à changer. Va commencer à changer. Et c'est comme ça que tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Les choses changent. C'est comme ça, les amis. Hein? On est là. Ce n'était pas pour ça aujourd'hui. C'était pour mon père. My father, my father. My father, my father. Oh my God, my father, my father. Mon père, mon père. Mon père m'a vu Marie mort depuis 1970. On va de temps en temps commencer à partager la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu. Nous allons commencer à ouvrir nos Bibles. Je mets mes notes là. On va lire, je vais lire, on va le partager ensemble, on va évoluer un peu ensemble. On avance. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement des gens. Je vois ici les gens. Tu vois là ta famille, hein? Tu vois ta famille là. Oh, qu'est-ce que ta famille a à voir avec? Ta famille, c'est ta famille. Il faut aimer ta famille. Prier pour ta famille. Soutenir ta famille. Ok? Mais quand tu rentres dans ton petit coin, tu fais tes prières. Tu peux faire des forces avec tout le monde, la famille, l'église, tout ça, vous faites des prières. Mais croissance spirituelle, tu dois avoir des moments d'intimité personnelle. Même si ce ne sera pas beaucoup de temps, mais juste un peu là. Toi-même, avec Dieu. C'est bon. Tu verras que non, ça va commencer à changer petit à petit. C'est pour ça que je pense hier, oui, hier, je pense que j'avais fait une vidéo juste avant que je dors. Oui, avant que je dors hier. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la montagne. Quand je dis hier, c'était jeudi. Jeudi, oui. Avant que je dors, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué sur la montagne et le désert. Vous voyez, la montagne, c'est de temps en temps, tu vois toi-même dans un coin où tu dois choisir la maison, où de temps en temps tu te mets dans un coin à prier. Et prier, ce n'est pas seulement crier. Crier, ce n'est pas la prière. Tu peux des fois élever ta voix aussi, crier, oui, mais ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il y a des moments de prière aussi où il faut être silencieux. Comme lorsque nous lisons l'histoire de Anne. Anne, le livre de 1 Samuel. Où la Bible dit que non, juste sa bouche remuait. Donc c'est comme si tu parles, mais les paroles ne sortent pas. La prière aussi, des fois, a des besoins, des moments comme ça. Où c'est ton cœur qui parle à Dieu. Tu n'as pas besoin que la personne qui est à côté de toi entende. Non. Parce que tu parles avec ton Dieu. Et ces moments-là, il ne faut pas attendre seulement que non, quand tu souffres. Non. Il ne faut pas attendre seulement quand tu souffres. Non, non, non, non, non, non, non. Tu dois avoir des moments comme ça. Des moments où des factures là, seulement à contempler, à adorer, à louer. Et tu ne dis pas un mot parce qu'il connaît tout. Seulement cherche à être bien avec ton Dieu, ton cœur là. Cherche à être bon, bien avec ton Créateur. Il y a des moments où tu es là juste à louer. Et en plus, maintenant, on a des musiques de gauche à droite. C'est toi avec YouTube. Et des musiques, ce n'est pas n'importe quelle musique. Je vous dis, les amis, faire attention aussi avec ce qu'on appelle des musiques, les noms que vous appelez ça, musique chrétienne, ça n'existe jamais. Ça n'existe pas. Il faut mettre des musiques qui peuvent t'aider soit à louer Dieu, oui, à glorifier Dieu, à adorer Dieu, oui. Ou soit des musiques qui peuvent te pousser aussi à se mettre à genoux pour prier, oui. Ça, c'est bon. Mais si vous voyez la musique, ça commence à aller genre que si tu te demandes ça c'est Kofi ou ça c'est Zouk Machine, ça c'est Kassav, tu sais pas c'est... Tu comprends? Ça, il faut mettre ça dans ces rangées-là aussi. Peu importe si le monsieur, l'artiste se fait passer, ils aiment se faire appeler musicien chrétien. Je ne sais pas pourquoi. Mais lorsqu'on parle de musique, la musique, c'est musique tout court. Il n'y a pas musique comme ça. Non, non. Musique, c'est musique. Mais la différence, la musique sacrée, c'est la musique qui peut te pousser, comme c'est là quand tu écoutes ça, ça te pousse à méditer la parole de Dieu, ça te pousse à commencer à penser des choses pour la gloire de Dieu. Il y a d'autres musiques sacrées aussi qui te poussent à se mettre à genoux, à prier. Il y a des musiques qui te poussent à commencer à louer Dieu, à glorifier Dieu. C'est ça la musique que tu as besoin souvent pour la vie des prières. Tu comprends? Mais si c'est juste la musique, juste pour la musique, pour danser, là, tu mets toute la musique là, peu importe son nom, même si c'est dit chrétien ou pas chrétien, c'est la musique. C'est comme ça. C'est comme ça. Les gens qui arrêtent de vous mentir, que non, moi je suis médecin chrétien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, cherchez Dieu, louez Dieu, adorez Dieu. Allez souvent sur mes pages, surtout mon compte TikTok là. Il y a beaucoup de publications que j'ai fait depuis que j'ai commencé un an maintenant, un an et demi. Des publications que j'ai fait trop là, où j'explique des petites choses, mais c'est trop édifiant ce que moi j'explique. Bon, j'aime bien bloquer les commentaires. Pourquoi? Parce que quand je laissais les commentaires des fois, il y avait des fois des gens qui venaient juste pour insulter, qui ne se connaissaient même pas. Ils faisaient insulter, c'est comme ça la vie. C'est pour ça que moi, je préfère communiquer avec les gens sur WhatsApp. Parce que ça, ce sera entre toi et moi. On peut se communiquer sur WhatsApp. C'est comme ça. Mais si vous allez sur TikTok, là, il y a beaucoup de publications que je mets. Sauvement édifiant. Facebook aussi, je pense, c'est pareil. C'est... Avec Facebook, j'ai commencé ça depuis longtemps. YouTube, il y a quelques vidéos, mais vous pouvez regarder ça de temps en temps aussi. C'est comme ça. Donc, nous devons chercher à apprendre, à grandir petit à petit et tous les jours. Pour la gloire de Dieu. Ok, les amis. Pour aujourd'hui, atteint qu'il sauve. Donc, c'est bon. S'il y a toujours question, comme je dis, s'il y a question, je peux répondre. Mais, question, comme tu sois écrit, par écrit, je peux répondre, oui. Je suis là pour répondre. Salut, comment tu vas? Je vais bien, merci. Je ne sais pas si c'est toujours le même qui revient. Bon, il y a des autres choses que je ne comprends pas. What is the meaning of bombo class? Bombo class mean what? Ça veut dire quoi, bombo class? Go play with your mother, man. Go play with your parents. What is the meaning of bombo class? Il y a des personnes, je ne sais pas si tu es malade, pas avec moi, moi je ne suis pas malade. Ok, va jouer avec tes parents, d'accord? Ok les amis, donc il faut s'attacher à Dieu. Et avancer, c'est comme ça, ça va nous aider, chercher à être toujours la présence de Dieu, à se remplir la présence du Saint-Esprit et de faire un pas chaque jour de ta vie. C'est comme ça on grandit spirituellement. C'est comme ça on grandit spirituellement. Donc, il ne faut pas seulement se laisser être là. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu vas crier alléluia, amen, alléluia, amen. Ils vont te dire de chasser les esprits que tu ne connaissent même pas. pendant que tu es en forme, tu es en bonne santé, il te dit de chasser les esprits. Par contre, nous avons des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin de délivrance aussi, ou qui ont besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit dans leur vie pour être libérés, soit des liens mauvais qui les détiennent dans des maladies, dans des choses bizarres. Maintenant, beaucoup de ces serviteurs-là, comme je dis, qui remplissent TikTok, ils ne cherchent pas des gens qui ont des problèmes de santé. Ils viennent vers des personnes qui sont en bonne santé comme vous et moi. Vous comprenez? Vous voyez? C'est comme ça. Tandis que nous, moi, personnellement, lorsque nous, on a commencé à chercher à avancer dans les choses de Dieu, on avançait sous la direction d'un homme de Dieu. C'était un prophète là-bas en Afrique, chez nous, dans mon pays. Parce que dans mon pays, il y a plusieurs prophètes. Là où je suis né. Beaucoup même. Et moi, maintenant, je travaillais où j'ai œuvré sous la direction de ce monsieur-là, pour ne pas citer son nom. Et on était tellement beaucoup, maintenant on cherchait des cas, des problèmes. C'est comme ça qu'on travaille pour la croissance spirituelle, surtout si tu veux vraiment servir Dieu. On cherchait des cas, des personnes qui sont malades, qui ont des problèmes de santé graves. On cherchait ce genre de personnes. Même des personnes qui avaient des folies, comme on dit, des fous, on cherchait ce genre de problèmes. Si ça marche, gloire à Dieu, si ça marche, c'est bon. Et nous, on était là pour ça. Et c'est comme ça qu'on cherche à grandir spirituellement. Et c'est comme ça qu'on développe la puissance de Dieu en nous. Parce que tu dois chercher à te disposer pour prier pour ce genre de personnes. Donc tu dois gêner, tu dois se détacher de beaucoup de choses de ce monde, t'éloigner de beaucoup de choses pour être prêt à servir. Et on servait tous les jours. On priait pour les gens tous les jours. C'est comme ça. Vous comprenez? Moi maintenant, comme je vous dis, je vivais d'abord ici, en Europe, et puis je suis allé là-bas en Afrique. Vous comprenez? Donc, c'était moi pour ça. Donc, je me mettais vraiment à le faire. Donc, quand il fallait gêner, il fallait vraiment gêner. Donc, tu peux dire aussi des fois, 2-3 jours, tu bois que du jus, de l'eau, tu manges des fruits, des salades, et pendant 3 jours. Et tu oublies même la télévision. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on travaille et on se met à être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et on se met disponible pour devenir ce qu'on appelle vase d'honneur, pour que le Saint-Esprit commence à travailler avec toi. Parce que Dieu cherche toujours des personnes disponibles. Dieu cherche des personnes disponibles pour travailler avec. Vous comprenez? Et lorsque tu te disposes, c'est discipline, toi-même. Personne ne viendra faire ça pour toi, ou personne ne viendra te dire il faut faire comme ça. Non, il faut toi-même. Tu dois te discipliner, toi-même. Tu dois te disposer. Et tu commences. Et l'esprit maintenant viendra de temps en temps te donner des idées de ce qu'il faut faire. Et tu seras toujours entouré et rempli des anges. Des êtres célestes, comme je dis. pour travailler avec toi. Et tu vas avancer. C'est comme ça. Avancer. Et de temps en temps, il faut prendre le temps de lire la parole, de partager la parole avec les autres, prier pour les gens, même pour les enfants. C'est comme ça. Et tu avances. Comme ça, les choses avancent avec Dieu. Ok, guys, je suis là. Comme je dis, c'est la fin. Je suis là avec vous. Si quelqu'un, toujours pas question, c'est pas grave, mais je suis là. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions depuis toute la nuit, on est là. So I have to close now, je vais fermer. Comme j'avais dit, inbox aussi ça va. WhatsApp, j'ai donné le numéro. Si vous avez besoin de numéro, juste faut faire ce TikTok là, faire bouger. On va faire défiler les commentaires là au-dessus. Vous allez voir le nom Cavali. Non, c'est moi. Cavali, non, j'ai mis le numéro. On peut y avoir trois chiffres. Ça commence par 0032. Puis, si vous descendez, vous allez voir les suites. Pour la suite. Comme je n'ai pas sommeil, je suis là. Je vois que vous aussi, vous n'avez pas sommeil. Mais personne ne veut poser question, mais bon. C'est pas grave, les amis, on est là. Demain soir, on va essayer de lire quelques versets, vraiment avec la Bible. On va prendre des notes, il y a beaucoup de notes ici, qui va commencer à nous aider à lire et partager, comprendre un peu la parole, pour avancer avec. Bon, les amis, je pense que je vais vous laisser. Pour ce qui concerne Bavo Marie-Marie, comme je dis, j'ai expliqué ce que j'ai expliqué. Je pense que j'ai tout expliqué, ce que j'avais noté. Pour sa naissance, un peu sa vie, j'ai parlé un peu de sa vie. Mais pas trop, parce que je ne connais pas grand-chose, à part ce que j'ai déjà expliqué sur YouTube, comme je dis sur YouTube. J'ai parlé un peu de ses enfants. Donc, il y a moi, il y a mon frère Elvis. C'est lui qui arrange de la musique comme ça. On les appelle quoi? Les ingénieurs, les sons, c'est ça. C'est lui qui arrange la musique comme ça. C'est lui qui a fait ça pour ses frères. La musique là qui joue. C'est mon frère. Il y a aussi ma sœur Jolie, Siongo, donc Elvis Siongo, Jolie Siongo et moi. Il y a, comme je dis, le dernier qui était né juste après la mort, ou lorsque ma mère avait des plâtres dans ses jambes. Pour les autres, vous pouvez écouter la YouTube là. parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont des nôtres, si on peut dire ça comme ça. Mais par après, lorsqu'on a grandi, j'ai commencé à dire que beaucoup, ça pouvait être des infiltrés. Comme on voit la plusieurs familles, on vous envoie un enfant qui n'est pas le vôtre, mais juste pour qu'il soit, pour, qu'il soit avec vous. C'est ça que nous avons eu à penser après, à se dire après. C'est un peu comme ça. Bon, bref, c'est la vie et c'est le passé. Nous, on est maintenant déjà des cocobars. On est déjà des cocobars, quoi. Donc, moi-même, 55 ans bientôt, 55 ans bientôt, on va dire. Donc, c'est ça, quoi. Et gloire à Dieu qui a fait que on est en vie où je suis en vie. Encore, on est encore en vie jusqu'aujourd'hui. Lui-même, le monsieur, il a vécu juste 26 ans. Donc, c'est ça, quoi. Ok, les amis, on est là pour dire God bless you all. Je vais arrêter maintenant YouTube, on est ensemble, TikTok aussi, parce que j'avais mis juste YouTube et TikTok. Je pense que demain aussi, on va faire la même chose. Je vais essayer de rajouter Facebook pour demain. Je pense que je vais faire ça. Demain soir, je pense qu'on va faire ça aussi. Ok, guys. On est ensemble. Bon, maintenant, je vais commencer à arrêter. Comment faire avec? Je vais essayer. Là. Voulez-vous vraiment arrêter la diffusion en direct? Yes. Ok. TikTok.